avant tout le monde. 89.1. Bonjour et bienvenue à une autre édition d'Assemblage Requis à la plage. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, en effet, c'est l'émission de la semaine du 12 août 2013. Belle émission chargée pour vous, comme toujours. Hein. C'est comme ça, les gens se battent à la porte pour entrer, pour faire les chroniques. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On devrait mettre un petit plat de Jello en avant, comme ça, les gens pourraient se battre dedans. Ça serait un peu plus entertaining. J'aime entertaining. Ça. Du miel, c'est bon aussi. Du miel? Du miel. Ben, c'est un peu collant. Ben, d'habitude, c'est bois de Jell-O. Moi, je reste avec mes classiques. Ouais, j'apprécie ça de toi. Moi, je suis plus fancy. C'est comme la mélasse, fancy. Fancy? Mais non, je pensais que t'étais classique avec, tu sais, Game Boy. Non. Donc, aujourd'hui, l'émission, on a Véronique Mire et la deuxième partie de la lettre P dans l'émission, dans la chronique, le Véronictionnaire. On va aussi avoir la chronique de qui d'autre qui se présente à notre porte aujourd'hui, qui n'a pas dit finalement, je ne viendrai pas. Moi, je vais rester, en tout cas. Ah, ouais, quand même, une chance que tu es là, une chance. Donc, on va commencer tout de suite en musique. Tiens, on dira le reste du plan plus tard. Là. Pour l'instant, on commence avec la 20e place du côté anglophone. C'est une nouvelle entrée, n'est-ce pas? Oui, c'est Brighter Than Gold de Cat Empire. Good. Ça, c'est fou. Four steps in the morning, the two steps in the day, the three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood, a black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. numéro 18. Nouvelle entrée. De nouvelles entrées, trois pièces du côté anglophone. On vient entendre Bear Mountain en 18e place avec Two Step. Et tout juste avant, en 19e place, c'était Home d'Ostra. On a débuté avec The Cat Empire et Brighter Than Gold sur l'album Steal the Light. Trois excellentes nouvelles entrées, trois retours. Bear Mountain, je suis moins certain de mon affaire, là, mais chez Coach Ostra et The Cat Empire, ce sont des retours et c'est génial de les revoir. J'ai pas détesté Bear Mountain, malgré l'espèce de petit semblant de dubstep. Oui, mais finalement, il y a du two-step. Du two-step, exactement. One step, two-step. Bon. Maintenant, vu qu'on a dit, on a écouté nos trois nouvelles entrées du côté anglophone. La semaine passée, on a entendu la nouvelle du côté franco. C'était Deux Pouilles en cavale avec Courir Nu sur leur CD Votre cœur va manquer un pouls. OK. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit au revoir à des pièces comme ça? Qu'est-ce qu'on fait, Steph? Oh, mais pas ma rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis le précédent palmarès. Le feu et le papier entameront la valse, la valse, la valse des morts. Une histoire d'horreur au bulletin de 6 heures. Rends-moi mon bonheur, redonne-moi mon cœur. va péter dans les flaps piquantes. C'est des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 22 juillet, oui, au 4 août 2013. On a donc dit au revoir à la pièce Lettre d'amour de Caféine qui est restée 5 semaines. Après ça, on a entendu David Bowie et How Does the Grass Grow qui a duré 4 semaines. Ensuite, on a mis Boy à la porte et sa pièce Oh Boy qui est restée 7 semaines. Pauvre chou! Ça, c'est la version masculine de Chouette. Hein. Chouette! Et on a terminé avec How to Destroy Angels et la pièce qui donne envie de se tirer une balle. Keep It Together qui a duré 5 semaines. Pas du tout... triste d'avoir parti, ça nomme. Ah non, mais je suis certaine que ça fonctionne, que ça détruit des anges, oui, pour vrai. Oui, ben, en ce moment, là, c'était parfaitement approprié pour mon humeur. C'est parfait, c'est cool. Alors voilà pour Palmer Rest in Peace. On se retrouve dans 2 semaines pour dire au revoir aux dernières pièces qui auront fini l'été, finalement, avec nous. Genre, on fait ça aux 2 semaines, ça veut dire. J'aurais pu le dire plus facilement, c'est aux 2 semaines. Mais dans deux semaines, ça va revenir aux semaines. Oui, crème, t'as bien trop raison. Faut pas oublier ça. Il y aurait juste 2 émissions d'Assemblage requis à la plage en comptant celle-ci. Donc, il en reste une à part, celle-ci. Wow, mais ça passe vraiment vite. Très vite. On a fait quoi, une 15-20 d'émissions? Mais c'est parce qu'on 16, est tellement 17? Bien à la plage, ouais. Avec nos petits pina colada. Petit parasol, là, genre dans le verre. Ah oui. Dans le nez. Fais attention à pas s'étouffer. Ouais, non, justement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on retourne en musique et on s'en va entendre d'autres pièces du palmarès anglophone. Par contre, on saute par-dessus un groupe de 3, les 15, 16 et 17. On n'écoutera pas André Papanicolaou avec How Will This End qui descend de 2 places. On ne va pas entendre Wait for the Man de Fiddler. Ben non! Et on ne terminera pas le bloc avec Rara et Art and a Wife qui descendent 10 places et qui est là depuis 8 semaines. Donc, 2 vétéranes, je pense, le féminin de Oui, exactement, c'est vétérane. Mais c'est ça pareil. Mais on choisit pas vraiment. Sa famille. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais... entre autres, dans la vie. Donc, on y va avec la position numéro 14. Ça descend de 5 places. Et on va entendre Miss Mister avec la pièce Bones. Oui. Cool. Mais cool, mais hein? Hey, hein? Wow! Ça semble à requis à la plage. Never a name. night in misery, like a girl of only 17. Man-made madness and the romance of sadness. Beautiful dance that happened by chance. Happened by chance. Happened by chance. Ça nous anime. C F O U 89.1. Toujours à Assemblage Requis à la plage avec Stéphanie Paradis. Et toujours avec Mathieu Plante. Oui. Et tu m'as montré une application de bonheur. Contrairement à ce que j'aurais pensé, ton application, c'est pas happiness, c'est happiness. Happiness. Oh! Une blague de pénis, aujourd'hui. Mais oui. Happiness, c'est l'application du bonheur. Sûrement la pire application que t'aurais pu trouver pour ça, mais elle fonctionne quand même pour. Non, c'était horrible. T'sais, oui, OK, une photo d'éléphant sous une chute qui rit. Oui. Après ça, une photo de chat qui rit. Oui. Après ça, ça avait une photo de chien qui sourit. Des petits cochons! Ah oui, non, c'était comme des... Ben, je les appelle pré-bacon. Je pense pré-bacon. Non, non, c'est des bébés, t'as pas le droit de leur dire ça encore. Ils doivent rester chastes, qui est de leurs oreilles. Mais je pense que c'était des petits facochères qui se donnaient des câlins. Ah, oh, wow. Mais j'ai fait le tour des photos et je pense qu'il y en avait comme 10. Mm-hmm. C'était tout. C'était un beau... Une chance qui est gratuite, hein? Ben non, mais penses-tu que j'aurais payé pour ça? Payé pour mon bonheur. Pour ton bonheur, non. Ben non, ben non, ben des bourses de ta poche. C'est... Oui. Oui, sans commentaire. maintenant, on passe à une autre chronique que vous allez apprécier, j'en suis certain, parce que je reçois je me fais poker tout le temps, comme de quoi, que c'est donc bien merveilleux comme chronique. Là. Tu me crois pas, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Voici, c'est un fait. Excuse-moi. C'est une vieille dactylo, hein? C'est pas Windows, mais une vieille dactylo. C'est un peu le même niveau, t'sais. Non, dactylo, insulte pas les dactylos. C'est un peu insultable, les dactylos, j'avoue. Donc, c'est un fait, la connaissance des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons avec un petit bloc spécial sur Breaking Bad, le chimiste. La dernière saison vient de commencer et ça éclate les records. Ah oui, et j'ai comme arrêté à un certain moment. On dirait que... Ah, t'as déjà écouté? Mais j'ai commencé, j'ai arrêté comme en plein milieu. Je sais pas vraiment je suis rendu où, là. OK. Mais je sais pas, on dirait que j'ai comme perdu le fil. Faudrait que je m'y remette. Ouais, ben faudrait parce que tout le monde parle en bien de cette série-là. Et savais-tu que l'acteur principal, Bryan Cranston, qui joue Walter White, a joué deux différents vilains dans Mighty Morphin Power Rangers? Non. Mais c'est vrai qu'il y a une face à ça. Oui. Mais il y a une face pour jouer les méchants, pour les jouer. Ben, pas vraiment nécessairement bad guy, mais plus quelqu'un qu'on aime détester. Exact. Il a joué le patron de Ted dans How I Met Your Mother. Oh, hey, oui, t'as raison, je me rappelle, j'ai vu ça. Oui. Intéressant. Jesse Pinkman, qui joue aussi dans Breaking Bad, était supposé être tué à la fin de la première saison. Mais c'était changé parce qu'il y avait une si bonne chimie avec Walter White. Chimie, comme. Chimie. Mais donc, ils ont dit, ben, on va le garder. Il fonctionne bien avec lui. Il aurait fait quoi sans lui? Je sais pas. Il joue qui? Moi, je connais pas assez les personnages pour dire. Ben, c'est le jeune avec... Le jeune garçon. Oui, exactement. La structure chimique du crystal meth, là, qui est évidemment ce qu'on fabrique dans cette émission-là, le chimiste, est presque identique à le truc Vicks Vapor Rub. Tu sais, les petits pots de Vicks qu'on se met sur la chest. Ah ouais? Chimiquement, c'est très, très similaire. Oh? Dit-on. D'ailleurs, toujours en parlant de chimie, C10H15N. On voit ça dans l'ouverture de la série Breaking Bad. C'est la formule chimique, évidemment, pour le méthamphétamine, qui est une autre affaire que Walter White concocte. C'est quoi la formule chimique du bacon? Boum! Un petit cochon. Non, un petit cochon. Un petit cochon. John Cusack et Matthew Broderick ont tous les deux refusé le rôle de Walter White dans Breaking Bad. Je sais pas s'ils le regrettent. Ah, on dirait que ça aurait été bizarre. Ouais, hein? Ouais, je m'imagine pas ça du tout. Non, ni un ni l'autre. 247 personnes sont mortes jusqu'à maintenant dans Breaking Bad. Je sais pas si ça compte le plus récent épisode dans fin de semaine. C'est bien ça, en fin de semaine? Bref, 247 personnes, c'est beaucoup. Bryan Cranston, toujours la vedette principale, a appris à fabriquer du meth par les gens de la DEA en préparation pour son rôle dans Breaking Bad. Donc, il sait vraiment comment en fabriquer. Cool. Toujours dans Breaking Bad, les acteurs, lorsqu'ils fument ou en tout cas font ce qu'ils font avec du crystal meth, en fait, ils fument des rock candy, genre du sucre comme des bonbons, genre du sucre bonbon. Des roquettes? Ben, genre, on dirait. Ça, en tout cas, je pense que ça doit être ça. C'est comme des roquettes, mais comme... comment dire? Ça doit quand même poudre. Pas être une bonne idée de fumer ça. Non, sûrement pas, mais c'est moins nuisible que le crystal meth. C'est certain. Terminé pour le bloc Breaking Bad, allons-y avec d'autres sujets. Maintenant, les pieuvres, leurs testicules, on le savait déjà, c'est dans leur tête. Ça, on l'a déjà dit, je me souviens. Mais, est-ce que tu savais que... attends un peu, pourquoi... oui, c'est ça. Que le cœur d'une crevette est dans sa tête. Ah ouais? Ah ouais? Ben tant mieux, je mange pas les têtes de crevettes. Est-ce que ça se mange? Oui, ça se mange. Tout se mange. Oui, ça se mange. L'ours d'un ours polaire, sa peau est noire. Et sa fourrure est en fait transparente, mais un peu comme de la neige. Elle a l'air blanche à cause de la lumière du soleil. Il n'y avait pas de poulet dans les Amériques du tout. Jusqu'en 1500, en fait, c'est les Espagnols qui ont amené les poulets en Amérique. Oh wow, une chance. Je serais vraiment triste sans poule. Il y en a qui mangent ça 4-5 fois semaine. Là. Genre. La mouche à fruits. Et là, tu vas évidemment me contredire après que j'ai dit la phrase. Là, qu'est-ce qui te vient en tête si je dis que la mouche à fruits était le premier animal dans l'espace? Qu'est-ce que tu me dirais? Hein? La mouche à fruits, c'est pas un animal, c'est un insecte. Ben, c'est quand même une sous-branche d'eux, non? C'est ça, mais quand même. C'est le premier animal, si on englobe tout ce qui n'est pas... Donc, avant le singe? Avant le singe, la mouche à fruits. Puis, c'était une erreur ou ils ont décidé littéralement d'envoyer ça dans l'espace? D'après moi, c'est une erreur, mais je pourrais pas te dire. Ils ont sûrement envoyé un régime de bananes, puis... C'est comme quand on voit des fourmis. Dans Simpson, il y avait un épisode avec les fourmis, tu sais, dans l'espace avec Robert. Là, non? Bref, une référence de Simpson par semaine, assez fou. C'est une garantie. Il y a au moins 9 poulets dans le monde pour chaque humain. Environ 52 milliards de poulets sur Terre. Miam. Thaï, puis Barbecue Montreal. Général Tao. Au poivre. T'as pas sorte de poulets. Les paresseux. Et mon surnom de vacances en passant. Exactement. Ouais, c'est quoi? Paresseux malaisant. Malaisant, exactement. Voilà. Et déprimé. Les paresseux, ça va prendre 2 semaines avant qu'ils digèrent leur nourriture. Non, mais hein? Tu fais ta job comme faut de paresseux. Je pensais que je mangeais lentement, que je digérais très lentement. Mais apparemment que non. Un crocodile ne peut pas bouger sa langue, il ne peut pas mâcher. Et ses jus digestifs à l'intérieur de son corps sont tellement puissants qu'ils peuvent digérer un clou. En acier, un clou. Fait que bref, si tu rentres là-dedans, tu ressors. Bonne chance, plus. Exact. On parlait de pieuvre tantôt. La pieuvre est capable de passer à travers un trou de la grosseur d'un 10 cents. Je ne ferai pas ce mouvement-là. Je suis comme en train de mimer. Pourquoi je mime ça? Ouais, pieuvre, dégueulasse. Mais une grosse pieuvre, là. Mais une pieuvre, je sais pas. Une pieuvre. C'est-tu gros, officiellement, une pieuvre? Je me renseigne plus, moi. Je OK. La plupart des gens qui se font... non. Il y a plus de gens qui se font tuer par des hippopotames à chaque année que par les requins, les ours et les lions mis ensemble. Ben, moi, j'aime ça, les hippopotames. Fait que ça me dérange pas. Mais c'est vrai, je veux dire, il y a beaucoup d'animaux qu'on leur donne un caractère super sympathique et gentil, mais que dans le fond, c'est super cruel. C'est comme, non, mais juste un teddy bear. Après ça, tu fais croire aux enfants que les ours, c'est gentil. Il y en a un dans la forêt, puis là, il meurt. Oui. Comme ici, à la nouvelle halte garderie, il y a un superbe hippopotame rayé multicolore. Ouais. Mais dans le fond, c'est super tueur, un hippopotame. Là. Puis en plus, sur l'hippopotame, il y a un zèbre et une girafe en train de copuler. Non, ils ne copulent pas. Ils ont juste des gros yeux étonnés. Ils se donnent à être assis un derrière l'autre et se serrer comme de dos. Mais c'est parce qu'ils s'aiment beaucoup. Ah! Savais-tu que la sœur de Jack Nicholson était en fait sa mère et ses parents étaient en fait ses grands-parents? Hein, là, tu me demandes, mais attends un peu, comment ça se peut? Attends, ça l'explique ici. C'est que sa vraie mère faisait semblant d'être sa sœur parce qu'elle était très, très jeune et pas mariée. À l'époque, c'était très, très grave. Oh. Donc, elle se faisait passer pour sa sœur, c'est ça. Je suis tout mêlé, moi. Ouais, mais ouais. C'est quelque chose. Emma Stone. Tu connais Emma Stone, l'actrice? Faudrait que je vois son visage. Dans Spider-Man, entre autres. Je peux te trouver ça. 2 secondes. Emma Stone, ici. Dans les pubs de CoverGirl. Ah! Bon. Oui, je l'ai vu dans un film de filles récemment. dit ça de même. Cool. Donc, Emma Stone a convaincu ses parents de la laisser devenir actrice ou en tout cas de prendre des cours d'acting en leur montrant une présentation PowerPoint. Oh, c'est cool, ça! Love her! Adam Sandler a déjà été considéré pour jouer le rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Hein? Hey, t'imagines Adam Sandler dans ce rôle-là? Non, ça aurait dénaturé le personnage, oui. Je pense. En fait, n'importe quoi qui est touché par Adam Sandler est dénaturé, parce que je l'aime pas. Un film sur deux. OK. Tu vas me sortir 50 premiers rendez-vous, peut-être, là, comme tout le monde? Non. Non, le chanteur de noces. De drôle de père. Ah, OK. C'est très bon. Ouais. Et Jack and Jill, ouais. C'est à se suicider. Ouais, ben là, pour vrai, c'est celui que j'avais en tête quand je me disais que... Ah, Petit Nicky, c'était très bon aussi. OK. Parce qu'il y a Ozzy Osbourne à la fin. J'aimais ça dans le temps. Ouais. Bruce Springsteen, sa voix est assurée pour 6 millions de dollars américains. Oh. Barbie a eu 130 caractères depuis le début de caractère. Carrière depuis le début de sa carrière. Bon, pas de caractère là-dedans. Elle est donc bien décise. Oui, vraiment. Et ça, sur un CV, oublie ça. Hein. Tu t'es pas engagé. les films qui montrent des gens en train de mourir dans de la lave, ils vont montrer des gens en train de descendre et de fondre dans la lave. Mais dans la réalité, tu flotterais au sommet et ensuite tu exploserais en flammes. Hein, pour vrai? C'est encore plus spectaculaire. C'est cool. Ils devraient faire ça. Mais c'est parce que ça a l'air irréel, donc on n'y croirait pas. C'est vrai ça. Plus de gens dans le monde boivent du lait de chèvre que n'importe quel autre lait de n'importe quel autre animal. Ah ouais? Mm-hmm. Étonnant. Je sais même pas si j'ai déjà bu ça. On en trouve dans certaines épiceries, mais pas beaucoup. Ben oui, il y en a dans le côté bio. Ouais. La marque Liberté. Ouais. C'est pas mal la seule que j'ai vue. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme aussi répandu. Mais j'ai mangé le yogourt de chèvre que j'ai adoré. Okay. Donc, il faut que j'essaye le lait de chèvre. Oui. Pourquoi pas? Cool. Ensuite, mot du jour, tiens. Nismesis, où j'imagine qu'il ne doit pas falloir prononcer le K. Nismesis, N-I-S, K-N-I-S-M-E-S-I-S. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Non. Ça veut dire chatouiller, mais doucement. Un petit chatouiller. Oh, des petits chatouillis. Chatouiller. Mumpsimus. Mumpsimus. Wow. C'est quelqu'un qui garde toujours ses vieilles opinions, même si elles n'ont aucun sens. C'est quand t'as une mauvaise opinion, puis t'as la garde. Bref, c'est quelqu'un de boqué. C'est quelqu'un de boqué pour ouvert d'esprit, puis qui est pas trop critique. C'est pas, tu sais, qui parle à travers son chapeau un petit peu des fois. T'sais. Ouais. On touche quelqu'un en tête en ce moment. Voilà. Donc, c'est Mumpsimus. Un autre mot maintenant, hippopotomonstroseskipédalien. Je suis déçue, je pensais t'allais dire hippopo. Ben, ça commence par hippopo. Hippopotomonstroseskipédalienne. C'est quelqu'un qui, dans le fond, c'est pas quelqu'un, mais en fait, c'est quelque chose qui a à voir avec les mots extrêmement longs. Ben, ils ont bien fait le mot extrêmement long aussi. C'est winner. Aprosexia, maintenant, c'est l'incapacité à se concentrer. Ah. Aprosexia. Il y a plus d'espèces de bactéries dans les bureaux où les hommes travaillent par rapport aux bureaux où des femmes travaillent. Ah, parce qu'ils se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Ah oh, non, ça? Je te confirme qu'il y a beaucoup de femmes qui se lavent pas les mains en sortant des toilettes. OK, aussi. Peut-être moins. Peut-être. Je connais pas les statistiques. J'ai jamais vraiment le vérifier dans les autres toilettes. Il y a un musée en Corée du Nord qui s'appelle le Museum of the Construction of the Museum of the Construction of the Metro. C'est donc le musée de la construction du musée de la construction du métro. Wow. C'est génial. Mise en abîme. Ce qu'on appelle, attention, je vais chercher la définition ici, là, à queue courte, calmar à queue courte, si on veut, mais version hawaïenne, donc en anglais, Hawaiian Bobtail Squid. Squid qui est un calmar, une pieuvre. Bon. Donc, bref, un genre de réveil matin interne, si on veut. Donc, il y a une bactérie bioluminescente qui va éclairer lorsqu'il va être le moment pour elle de se lever. C'est drôle, hein? On devrait tous se faire poser ça. Tellement. Ça va venir avec le Bluetooth, hein, ça. Probablement. C'est ça. Les dauphins se souviennent de l'un et de l'autre. Même s'ils ne sont pas rencontrés depuis 20 ans, ils vont encore quand même se reconnaître. Ah oui? Cute, hein? Les Américains chargent plus d'un trillion de dollars sur leur carte de crédit à chaque année. Un trillion de dollars. Wow. Dans la première course automobile américaine en 1895, la vitesse moyenne de la voiture gagnante était de 7000 à l'heure. Ah, ben c'est pas vite, ça? Non. Je sais pas exactement c'est quoi un kilomètre heure, mais je sais que c'est pas vite. J'étais proche de l'avoir. Là. Attends un peu. Merde. Pourquoi je tape avec une main, là? Je le trouve pas. Mais bon. C'est pas grave, faites la conversion dans votre tête. Google est supposé me dire ça, pourtant, il me semble. C'est pas trop difficile. Normalement, il fait tout. L'autre fois, j'avais faim, j'ai dit « Fais-moi macaroni ». 11,26 km/h, je crois. Ah, c'est n'importe quoi. Aucun clip vidéo existe du Super Bowl 1. Apparemment qu'on a enregistré par-dessus pour enregistrer un soap opéra. Par-dessus. J'imagine pour filmer une émission pour un... Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui l'a amené à la maison et qui a tapé General Hospital par-dessus. Là, genre. Je pense que c'est sûrement pour enregistrer un épisode filmé devant, tu sais, avec les, à leur caméra. J'imagine. Lorsque Nolan Bushnell a amené le jeu Pong, tu te rappelles Pong, c'est les deux barres avec une balle. Donc, à un toy show, donc une foire de présentation de jeux, il a pas vendu un seul jeu. Aucun. Et il a dit, c'est difficile l'innovation. C'est difficile. Il était trop avant son temps, j'imagine. Ah, c'est pathétique. Bizarre, hein? C'est devenu le plus gros succès de jeux vidéo, bien sûr. C'était la journée des gauchers, le 13 août dernier. Ben oui. Wow! Ça sert à rien. Ils nous postent une liste de gauchers célèbres, mais on s'en sacre complètement. Non, mais pour vrai, pourquoi est-ce qu'il faudrait marginaliser ces personnes-là? Oui. En leur créant leur propre journée. C'est ça que ça veut dire? Ben c'est ça. C'est les ça. Droitiers, eux autres. Tu devrais les aimer à tous les jours, les gauchers autant que oui, les droitiers. Oui, j'aime les gauchers. Exact. Marie-Isabelle, je t'aime. Ah, félicitations. Ma copine Marie-Ève est aussi gauchère. Ah oui, ah! Oh. Avant de choisir le nom des Stooges, tu te rappelles les trois Stooges? Mo, Champ et Larry, ils performaient sous le nom de Three Lost Souls, trois âmes perdues. Yeah. Bizarre un peu. On parlait du jour des gauchers. Ben, si on recule un petit peu encore, le 10 août dernier, c'était la journée nationale de la paresse. Hein? Et c'était aussi la journée nationale des s'mores. Tu sais, guimauve, chocolat et biscuits. Quel excellent mélange. Oui. La journée de la paresse, on mange des s'mores. Évidemment, on mange des s'mores préfaites parce que là, les faire, ça irait à l'encontre de la journée de la paresse quand même. T'as tellement raison. En 2009, une femme est décédée à l'âge de 99 ans. Elle avait 1400 descendants directs. Wow! Wow, en effet! Walt Disney donnait à sa femme de ménage, si on veut, housekeeper, la personne qui s'occupe du ménage et de tout. Mm-hmm. Donc, il lui donnait comment on comprend ça, l'indice en bourse. Là. Donc, tu donnes une part en bourse. Ah, des si actions? Des actions, merci beaucoup. Donc, à chaque année pour les fêtes, et puis elle est morte multimillionnaire. Ben, écoute. Merci grâce à Walt Disney. Coca-Cola a seulement vendu 25 bouteilles la première année, un peu comme Pong tantôt qui pognait pas pendant tout. Hein? Donc Coca-Cola a vendu 25 bouteilles pendant sa première année, mais n'a pas abandonné. Donc c'est la morale de l'histoire. 25? Ouais. Ça devait être à vanille. Pourquoi? C'est le meilleur à vanille. Parce que ça a pas pogné, je le sais. Au Canada, ça a pas pogné. C'est encore en vente aux États-Unis. Pour vrai? Ben oui. Ben là, qu'est-ce qu'on fait c'est ici? On achète sur eBay aussi. Pourquoi on traverse pas la frontière comme maintenant? Pourquoi est-ce que les gens s'entêtent à habiter au Québec? N'importe quoi. Et pour terminer, tu te rappelles, dans Sesame Street, il y a Bert et Ernie? Non. Non? Bert et Ernie? Non. Mais j'ai jamais écouté ça. J'aime pas ça. Mais Bert, c'est pas celui-là qui a un mono-sourcil? Je crois que oui. Et qu'Ernie est l'autre plus petit. Hein, parce que j'avais posté cette photo dans une émission de Melon Miel et Chou de Bruxelles où il parlait des mono-sourcils. C'est bon? Il parlait des poils, oui. Mm-hmm. C'est super bon. Pertinent. Vraiment. Mais bon, si vous en rappelez, tant mieux. Si vous en rappelez pas, vous en foutez. Fait que, mais allez écouter l'émission. Exactement. Oui, demandez-nous là. Donc, Ernie dans Sesame Street s'est rendu jusqu'au numéro 16 du Billboard Hot 100 dans le temps. Ça veut dire ça? C'était en 1970 avec cette merveilleuse chanson qu'on appelle Rubber Ducky. Assemblage requis. Oh boy! Oh, Rubber Ducky, you're the one. You make bath time lots of fun. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. Bo, bo, bo-dee-o. Rubber ducky, joy of joys. When I squeeze you, you make noise. Rubber ducky, you're my very best friend, it's true. Oh, every day when I make my way to the tubby, I find a little fella who's cute and yellow and chubby. Rub-a-dub-dubby, rubber ducky, you're so fine, and I'm lucky that you're mine. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. Hey, rubber ducky, would you like me to scrub your back with my nifty little scrub brush? You would? Okay, how's this? Hey, you want me to scrub behind your ears? Ooh, I see. You don't have any ears, do you? Well, how about your tummy? Scrub his little ducky tummy. Ooh, he's ticklish. Non? Ça ne donne pas de monument? Je suis obnubilé. L'hommage au canard de plastique de Ernie dans Sesame Street, numéro 16 dans le Hot 100 de Billboard en 1970. Et il y a des versions remix de cette chanson-là. Oh, je m'en doute pas. T'as envie d'en entendre une, hein? Tu veux entendre le remix allemand techno, hein? Je le savais. Ben ouais, mais là, je te regarde et t'as l'air de tout ça. From down there? Yeah. Okay. Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Est-ce qu'on se téléporte au refrain ou... Alles klar. Denke und denken, was das ist. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Wow. Et apparemment que c'est un grand hit... Mais en plus, l'allemand, c'est tellement une langue mélodieuse. Oui, oui, ça, c'est droit sorti du de la gorge. Du gorgoton. Donc voilà pour c'est un fait, c'est une chronique de fait. Hein, c'est fait. On l'a jamais vraiment fait, celle-là. Merci, Mathieu. Merci, Toujours si intéressant. Même ça? Ben oui. Oui, je la réécouterai probablement jamais, mais merci de me perturber à ce point. Et je m'excuse de la part de tous ces fous au complet. Et des Allemands. Aussi, sans offense. Voilà. On retourne au palmarès anglophone comme on fait depuis le début de l'émission. On est rendu à la position numéro 13. Et c'est Daft Punk avec Lose Yourself to Dance. Ça reste dans le disco pop. Fait qu'on pareil, pareil. De... Yeah, c'est ça qui joue. Exactement, voilà. Pareil. Pardon. De ton assemblage requis à la plage. Tu peux revenir après ça, non? Toujours sans te taire. Tellement de bonne humeur. Appare-toi dans la danse. Moi, je la faisais en français, c'est comme mon doublage. Ça. Ben, moi, j'allais dire appare-toi dans la danse, mais. J'ai fait la. Je sais ce que j'ai dit. De même, là? Ouais. OK. Exactement de même. Ben, je fais ça dans la vie. Moi, je traduis littéralement des chansons pour agresser les gens qui m'entendent chanter. Mm-hmm. Déjà que peu importe la langue dans laquelle je chante, c'est toujours. Comment je dirais? Pénible. Horrible, désagréable et. Destructeur pour les tympans. Autre mot négatif. Donc, c'est là-dessus que se termine la première heure d'Assemblage Requis à la plage. On revient tantôt avec, entre autres, dans la deuxième heure, on n'a pas de chroniqueur. Par contre, on a la confirmation, comme ça, breaking news, bip bip bip bip, que Justine Renaud va être avec nous dans une heure environ. Ah, yay! Elle va nous parler des Foo Fighters. Oh! Et dans deux heures, la deuxième partie de la chronique virlicionnaire sur la lettre P. Que des bonnes nouvelles. Wow, quel bon restant d'émission. On a aussi les instructions d'assemblage qui s'en viennent, la chronique de trucs et astuces, et ça devrait répondre là. Et Jean-Philippe Charbonneau va revenir avec nous autres tantôt. Merveilleux. Là, ça devrait être vrai. Que demander de plus? Il nous a menti la semaine passée. Ah! Oh. C'est vrai, hein? Quel patron indigne. Ah, maudit. On te sac dehors, il te reste deux émissions avec nous autres. Parce qu'il reste littéralement deux émissions avec ça. Exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. Reste là, on vient tout de suite. Toujours assemblage requis à la plage pour la semaine. Il manquait comme des lettres là-dedans, je pense. Assemblage requis à la plage. Trop de syllabes pour moi, j'aurais jamais dû choisir ce mot-là. Donc, c'est Stéphanie Paradis. Bref, lui, c'est Mathieu Plante. Et c'est la semaine du 12 août 2013. J'espère que votre journée va bien, slash mieux que la nôtre. La mienne, excuse-moi. Moi, ça va bien. Cool. Je vais essayer de pas prendre tes problèmes. J'ai assez des miens. C'est de même la vie. C'est comme ma psy à l'interne. Ta psy? Ma psy? Ah. Psychopathe, évidemment. Ah oui, oui, exactement. Ok, je comprends. Elle veut me tuer depuis le début. Ça le dit pas, mais il reste deux émissions parce qu'à la fin, elle va tuer tout le monde puis animer les palmarès tout seul cet automne. C'est ça l'affaire. Hein? Ah oui, justement, je voulais t'en parler. Faudrait que tu me montres comment la console marche avec. Ça va être un gros blanc. Elle va allumer son micro puis ça va être juste elle qui va chanter toutes les chansons. On écoute Born Ruffians. Voici un extrait de leur album Birthmark. C'est la position numéro 12 puis je suis pas en train de mettre la bonne. Fait que tout va très très bien. Dis-moi donc, c'est quoi? Ben là, With Her Shadow. Ouais. Je pense que t'as pas. J'ai pas le chiffre. T'as pas le chiffre. Ça le dit pas ça à la fin? Non. Silhouette, oh silhouette, oh, another shadow. Silhouette, oh silhouette, go. Silhouette, oh silhouette, oh, thinking of a shadow. Silhouette, oh silhouette, go. Well, table, gonna be long inside it. She needs the sun. It's always like a shadow, more than her reflection. It's a better understanding of her place in the world. Yeah, she always like a shadow, more than her reflection. It's a better understanding of her place in the world. And I will be mine from the one thing to the matter with shadow. Silhouette or sail away. On vient d'entendre Born Ruffians et la pièce Wither Shadow. Non, est-ce que c'était bien ça? Oui, Born Ruffians, en effet. Wither Shadow qui descend de 8 places en 12e anglophone. Et je te trouve très gentleman. De te laisser rien dire. Non, non, d'avoir prononcé. Ben oui, en fait, d'avoir prononcé le nom de ce groupe. Ah, OK. Parce que. Tu te sentais pas apte. Mais c'est pas chic. En fait, je l'ai déjà dit à deux reprises. Okay. Et c'était un fiasco. Mais je m'en suis pas souvenu. Et d'habitude, si t'avais fait vraiment une folle de toi, je m'en serais rappelé. Et t'aurais insisté pour que je le refasse. À chaque fois. Je suis ouais. De même, moi. C'est plate, mais je suis de même. Donc, j'aurais pas dû te le dire. Non. Ah. Je m'en rappellerai pas, parce que j'ai pas de mémoire, tu le sais. ça fait quelques semaines qu'on fait pas cette chronique-là et je m'en ennuyais énormément. On était tellement occupés, on avait beaucoup, beaucoup de matériel les dernières semaines. Et là, ça fait de bien dans le temps. On s'en va avec une chronique qui s'appelle « Les paroles des autres ». Voici la chanson thème de la chronique « Ils sont foutus palmarès ». Notre belle histoire était pleine de promesses. Une aventure d'un soir qui s'est étirée en trimestre. Les semaines ont passé, j'en étais pas peu fier. Il m'a dit au moins c'est une bonne chose, tu n'étais pas dernier. Y'a matière à réflexion, y'a matière à avoir de la peine, de réaliser que t'es un con parmi une dizaine. Y'a matière à déception, y'a matière à frustrer. Être le second quand tu crois être le premier. J'ai entamé ma descente. S'ils sont fous du palmarès, je ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant à la base. On oublie les projets, ma position, je l'accepte. C'est fini, je m'en vais. Je t'emmène. Ah, ça me fait du bien d'entendre cette chanson-là. C'est la chanson thème de la chronique Son foutu palmarès qu'on a entendu. Évidemment, chronique que je fais ici à Assemblage Requis. Et des fois, on se partage la tâche. Jean-Philippe l'a déjà fait, tu l'as déjà fait. C'est ben une des seules chroniques que tout le monde a touchées. Ah, c'est une vraie pute, cette chronique-là. Ben vraiment, et c'est justement le but de la chanson. Donc, c'était la chanson Son top 10 de la formation Engine. C'est extrêmement obscur, comme dirait Alain Lefebvre en classique. Obscur! Parce que c'est une chanson sur un album qu'on connaît pas, d'un groupe qu'on connaît pas, puis que tu cherches sur Internet puis tu trouves absolument rien. Ah? C'est sur l'album Chanson d'amour, super original, sorti en 2005 sur Arythmie Productions, et c'est littéralement tout ce que j'ai réussi à trouver là-dessus. Ça date, 2005, c'est quand même loin. Hein? Oui! Ça fait un bail. Bye bye bye. Ben, c'est vraiment une de mes chansons préférées. À chaque fois que je l'entends, c'est fou. Je la trouve tellement catchy, génial. Donc, ça fait une très bonne intro. Et c'est justement le but de la chronique, les paroles des autres, d'écouter une intro au complet, soit d'une chronique, d'une émission, que ça ait rapport avec moi ou par la bande avec moi. Par la bande. Ouais, c'est donc dans l'univers radiophonique de Mathieu Plante. Évidemment, on est toujours ouvert aux suggestions. On a des dizaines et des dizaines d'intros. Donc, si vous en avez une que vous voulez entendre, écrivez-nous sur assemblagerequis.com. Évidemment, Stéphanie t'en a proposé toi aussi. Donc, garde-toi si t'en as d'autres. Toi, je me garde. Garde-toi. Ah, je vais chercher. Okay. Ben, j'en ai déjà eu plusieurs, en fait, c'est qui sont passés, que j'apprécie beaucoup. Yes. Donc, l'introduction des palmarès. Mm-hmm. Le fond de la chronique à Maxime Bilodeau. Oui, c'était bon, ça aussi. Wow, oui. À date, on n'a pas fait tant que ça de ces chroniques-là. On a fait 9. On approche la dizaine et je suis sûr qu'on va en avoir pour les prochaines sessions à venir, oh, sans problème. Oui. Y a un renouvellement extrême dans les intros chaque année. Donc, les paroles des autres, on fait ça la plupart du temps à Assemblage Requis, bien sûr. Donc, on va retourner avec une autre pièce du palmarès anglophone maintenant. Qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Mm-hmm. Allons-y avec la position. Tiens, le numéro 11. Oh, et c'est Pretty Boy de Young Galaxy. Ouh! Ah ah! À Assemblage Requis à la page. Au 89.1 FM. C'est fou! 10. C'était Phoenix et Entertainment qui descend de 7 places en 10e position anglophone. Et tout juste avant, on a entendu Pretty Boy avec The Young Galaxy. Tantôt, on entendra The Damn Truth et Zeus. Mais avant ça, vous allez vous rappeler de cette chanson-là parce qu'on vient juste de l'entendre. Au complet! Et ben, moi, je dirais que cette version-là de l'intro est aussi longue presque que la vraie chanson originale. Donc voici son foutu palmarès. Tous ensemble? T'emmène! Son foutu palmarès, la chronique qui vous fait un petit, je dirais, palmarès foutu. Comme ça le dit. On vous fout un palmarès dans le tutu. Ah oui, dans la face. C'est je trouve ça vulgaire un peu, mais bon. Dans la face? Ouais. Dans le tutu, c'est pas vulgaire, non, ça. C'est ça sous-entend... Les cuisses. Et de un tutu qui porte ça? Les jeunes filles. Pédophilie. Mais oui, Colin, je pensais pas que ça allait jusque-là. Et boy. Donc, son foutu palmarès, cette fois-ci, on se fait le palmarès des onomatopées du monde. Oh! Intéressant. On va évidemment comparer avec le français, parce que le français et toutes les autres langues, c'est rempli d'onomatopées, là, des mots qui, dans le fond, décrivent un son. C'est à peu près ça. Et c'est pas toujours exact, mettons. Eh bien, les autres langages, c'est encore moins exact lorsqu'on les transpose en français pour essayer de les comprendre de la langue originale, tu comprends? Si on commence, par exemple, en coréen, chik-chik-pok-pok. Chik-chik-pok-pok, c'est quoi, selon toi? Chik-chik-pok-pok, ça, chik-chik, c'est frapper un poussin. Ça fait des pocs, c'est des chics. Avec une pelle. Non, en fait, c'est le son d'un train en Corée. Donc, on utiliserait le chou-chou, mais eux, à la place, chik-chik-pok-pok, c'est plus le son des roues qui frappent sur les rails de chemin de fer et n'ont pas de chou-chou comme le klaxon, si on veut. Mais c'est quand même pas si pire. C'est beau, c'est cute. Chik-chik-pok-pok, chik-chik-pok-pok, chik-chik-pok-pok. Ouais, c'est ça, tu peux sûrement faire des combinaisons fantaisistes. Exactement. On passe en allemand maintenant. Mampf-mampf. Mampf-mampf. Mampf-mampf. Aucune idée. Quand tu crois dans une guimauve? Ben, un peu, c'est mâché, en fait. C'est un peu comme menum-menum ou miam-miam, quelque chose comme ça. C'est du slang pour un repas, une collation, quelque chose comme ça. Manger. Ah! Mamp-mamp-mamp-mamp-mamp. Quand tu manges, c'est. En russe, maintenant, gab-gab. Gab-gab. Gab-gab. Gab-gab. Gab-gab. Ah, j'ai aucune idée. C'est un chien qui jappe. Pour vrai? Ah, ouais, ouais. Nous, on dirait wouf wouf. Il y en a qui diraient en anglais bark bark. Bark bark. Donc, gab gab ou gav gav. En fait, c'est avec des V, mais je pense que ça se passe avec des B. Mais qu'est-ce que j'en sais? Au Japon maintenant, pachi pachi. Pachi pachi? Pachi pachi. Pachi pachi sur pachi le plancher. Oh, oh, cute. Je sais pas. C'est comme du sexe, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, pachi pachi, c'est le son d'un feu qui craque. Ah, ouais, il est bizarre, le feu japonais? Pachi pachi. Pachi pachi. C'est, mettons, le son du en tout cas, du feu qui fait dans... C'est peut-être comme... Ouais, peut-être. Ah, j'avoue que c'est beaucoup mieux. En français, tiens, on est dans le palmarès, fait qu'on va essayer de deviner. Si, mettons, là, je vais juste le lire, un peu comme ça avec les autres langues, juste pour vous montrer comment c'est inexact. En français, rompchi. Rompchi. Rompchi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rompchi. Rompchi. On dirait quelque chose qui se rompt. Puis là, après ça, il est affecté par ça, fait qu'il va chez le psy. Oh, wow. Ça commence par rond. Rond. C'est ronflement. C'est le... Ouais, c'est pas pareil. Une fois écrit, c'est pas pareil. Donc, évidemment, on utiliserait des ZZZ aussi. Ça prend beaucoup d'imagination. Non, mais ZZZ, c'est quelqu'un qui ronfle pas. Quelqu'un qui fait juste dormir. Il fait juste comme... Mais s'il ronfle, t'écrirais quoi? Rompchi ou autre chose? Mais j'écris... Ronflement en texte. Mais j'écrirais ZZZ, je pense. Mais non, on dirait que c'est juste pour dormir. Ouais, c'est pas évident. En Thaïlande, Swan Sae Hae Ha. Wow, je. C'est comme un genre de youpi. Youpi! Swan Sae Hae Ha! T'as pas long? C'était efficace. Le yé classique, non? Ouais, on dirait que ça va plus droit au but. c'est genre le bruit d'une foule qui est heureuse et qui s'amuse, c'est bon. Hurrah, youpi! Swan Sae Hae Ha! En latin, maintenant, Tox Tax. Tox Tax. Non. Tox Tax, quand tu fais tes impôts. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, les impôts. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. C'est frapper. Frapper, juste frapper. C'est un whack. Bam. Bamf. Genre. Pauf. Pauf. Exactement. Boom. Non, boom, c'est bombe. Ouais. En Géorgie maintenant, gros tout, gros tout. Gros tout, gros tout? Ouais. Un chat qui ronronne. Non, c'est un cochon. Oh. Un petit cochon comme ça en Géorgie. Croutou. C'est cute. Oui, c'est mignon. Est-ce qu'on dit latvien? En latvien? Bref, le mot ouais. Est... Je sais pas. La Latvie. C'est pas un pays, ça? On est bon en géographie, ça paraît. Hein? Mm-hmm. Blioux. Blioux? Blioux. Juste Blioux. Ah, Blioux? Ouais. Quelque chose qui tombe dans l'eau? Ben... Presque, c'est des bulles qui éclatent. Eh! Oui! Il est pas pire, celui-là. Ça peut être aussi les feux d'artifice ou une tapette à mouche. Blux! En vietnamien maintenant, hot ho hot hai. Hot ho hot hai. Touche pas au poil, il est chaud. Ah non, mais ben, c'est quand tu manques d'air. C'est donc de grosses respirations quand tu reprends ton souffle. Hot hot hai! Quand t'es pressé ou que t'es en panique, si on veut. Ensuite, dans le pays qu'on appelle le Kinyarwanda. Je connais pas. Chichi, chichi. Chichi, chichi. Chichi, chichi. OK, ça, c'est quand tu laves une fenêtre avec du Windex. Chihuahua. Non, c'est quand t'as froid et que tu grelottes. Oh. Comme ça. C'est cute. Non, ça va être comme plus comme brrr. Exactement, exactement. C'est au Rwanda. C'est le langage Kinyarwanda, si je comprends bien l'article. Et pour terminer, en finlandais, kata. Oh, on dit en finnois. En finnois. C'est en la langue, finnois. C'est le finnois. Finalement, en finnois. Oui. Kakata. Takata? Kakata. Takata, takata, kakata. C'est allé d'Alton. Takata, takata. C'est un rire diabolique. Ah. Kakata. Nous autres, c'est le moi. Moi. Ah. Donc voilà, c'est le palmarès des onomatopées de partout dans le monde. Prononcé de façon complètement bâclée. Là. Ben ouais, mais c'est pas si pire. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait étonné quand j'avais appris ça, j'étais quand même jeune. C'est le cri du coq. Mm-hmm. Donc, on dit cocorico, mais en anglais, cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Hein? C'est, on met peut-être pas autant l'accent sur le coq. Cock-a-doodle-doo. Doodle-doo. Alors voilà pour cette partie, cette première partie de son foutu palmarès. On en a une autre partie, comme c'était pas assez de fun, là-même. On va faire le palmarès des sons. Les pires sons du monde. Oh, ça pourrait être perturbant, ça? Ouais, je pense qu'il y en a qui vont vouloir éteindre leur radio pendant quelques secondes, mais pas tout de suite, là! Est-ce que je peux éteindre mes écouteurs si jamais c'est trop agressant? Si tu veux, retire-les. Ah, tu veux que je les retire? Ouais, retire-les. Pour l'instant, on va entendre la position numéro 9 du côté anglophone. Et pourquoi pas entendre The Damn Truth avec Montréal, ou Montreal, c'est en anglais. Montreal, Montreal! Ça, c'est italien. Italien. To be sad, she said, maybe you just like to be mad. He said, that's not true. I may be dark, but I ain't blue. She said, you just got to let it go. C'était le Damn Truth et Montreal, en deuxième position anglophone. Pour ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire toi et moi, tantôt on parlait de Latvie ou Latvia, le pays. Ouais. En français, là, c'est Lettonie. C'est pas Lituanie, c'est vraiment Lettonie? Lettonie. OK. République de Lettonie. Ouais, selon Wikipédia, j'ai pas lu le reste de l'article, c'est pas tellement. Mais. C'est là qui font le laiton? Ah, je sais pas. Ça l'étonnerait pas. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Toujours Rassemblage Rock à la plage, c'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Et comme vous l'avez remarqué, je me suis tanné de ne pas jouer les indicatifs de la vie de croisière d'Assemblage Rock de l'année passée. Fait que je me suis recommencé à utiliser. C'est le fun, hein? Pourquoi pas? Tout le monde s'en fout, mais je trouve ça bon. Bon. Bon. Hey, tantôt, on était en plein milieu de son foutu palmarès et retournons-y. Son foutu palmarès, c'est encore une fois la chronique de palmarès. Hein? Donc, on vous passe un petit top de choses bien intéressantes. Et correction de la correction, tantôt, on a parlé de Latvia. De Latvia, c'est bien ça? Latvia? Ouais. Latvia, Latvia. Latvia. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à une marque de yogourt. On avait dit qu'en français, c'était la Lettonie. Et là, tu m'as demandé, est-ce que c'est la même chose que la Lituanie? Non, j'ai pas dit, est-ce que c'est la même chose? J'ai dit, t'es sûr que tu te mélanges pas entre les deux? Ça aurait été plausible comme observation, mais non. En fait, la Lettonie, ou République de Lettonie, est un pays d'Europe du Nord, sur la rive orientale de la mer Baltique. C'est l'un des trois pays baltes. Le pays est bordé par la Lituanie au sud et l'Estonie au nord, nous dit Wikipédia. La Lettonie a aussi des frontières terrestres à l'est avec la Russie et au sud-est avec la Biélorussie. Moi, j'aime ça, apprendre des choses comme ça, surtout des choses que je risque d'oublier assez rapidement. C'est ça, j'allais dire. Vraiment, on s'en souviendra pas là, demain. Même tantôt, probablement, je vais avoir oublié. J'ai fermé la page et je m'en souviens déjà plus. De quoi qu'on parlait? On parle du palmarès des pires sons au monde. Vous savez, certains sons sont tellement intolérables, difficiles à écouter et même pourraient vous faire facilement changer de poste, si mettons vous les entendiez. J'espère que t'as pas d'ongles sur des tableaux. On va voir. Moi, j'ai juste pensé, je me sens vraiment mal. OK, ben on va essayer de vous faire survivre à tout ça avec nos bons commentaires, mais on va faire cette chronique-là façon instrumentale de voix. D'accord, a cappella. A cappella, quel beau mot. Donc, commençons par le premier son que tout le monde déteste. Ouais. Ah, Colin, que c'est déplaisant. Donc, évidemment, l'effet sonore est véritable. Hein? L'image mentale est... ouais. Donc, le vomi est le premier. Ensuite, en deuxième place, attention. Hop là! Oh, je pensais pas que celui... Oh, con! Il est plus fort que je pensais encore. C'est un feedback de microphone, un retour de loop, loop-de-loop. On aime comme ça. C'est agréable. Mm-hmm. Ça va être un bon palmarès déjà, moi je le sens. Là. Je pense que c'est un succès dès le départ. Position numéro 3 des pires sons au monde. Attention. Oh. C'est le plus beau, en guillemets, miracle de la vie. Mais c'est bien moins pire que les deux autres. Là. Hey, on dirait qu'il y a une mini-moustache de bébé. Ah. On dirait comme Baby Hitler ou Baby Hitler. Baby Hitler. Baby Hitler. OK, merci, bébé. Quatrième position, attention. Évidemment, c'est un son qui devrait partir à l'instant. Attention ici. Oh. C'est des rails de chemin de fer. Ah, moi, ça me dérange pas. C'est pas si pire. Ben, j'imagine qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui leur fait gricher des dents. Facilement, moi en tout cas, ça me surprendrait pas. Et évidemment, il faut dire que cette étude-là, c'est pas un palmarès qu'on fait dans les airs, là. Vraiment pas. C'est le docteur Cox. Pepper. Son doctorat en poivre. Donc, depuis 2007, le professeur Trevor Cox de la Grande-Bretagne, en fait, de l'université Salford, a lancé une grosse recherche, un gros projet pour découvrir les sons qui dérangent le plus les humains. Donc, ça a pris depuis 2007 pour faire ça. Il a reçu au-dessus d'un million de réponses. Donc, continuons le palmarès qui, donc, est tout à fait véritable étant donné qu'on a dit comment ça avait été fait. Numéro 5 du palmarès des pires sons au monde. Attention. Oh, il est pas si pire, ça. Là. C'est une pancarte, mettons, qui va grincer, tu sais, parce qu'il est mal fixé après un... Son socle. Pas si pire. Là, on gratte un peu le fond du baril ici. Alors ça, par contre, j'avoue que ça peut déranger surtout les gens qui ont l'oreille musicale. Yeah. Hein? Tu joues du saxophone, toi? C'est ça? Saxophone? Je joue pratiquement comme ça du violon, par contre. OK. Chacun ses talents et clairement, elle ne l'a pas. Oui, mais elle a 4 ans. Ouais, mais elle a mis ça sur YouTube aussi, fait qu'elle peut bien se faire juger. Hein? OK. Bon. Numéro 7, toujours dans les sons les plus détestables au monde. Allons-y avec un classique cette fois-ci. Oh! Oh non, mais ça, c'est un coussin pétard. Oui, c'est mais. Pas un vrai pète. Non, mais je voulais pas vous faire jouer des vrais pets, hein, parce qu'on est à la radio, là. On a plus de classe que ça. Là. Ben non, c'est. Oh, wow, c'est un. Variante! Superbe! Ensuite, toujours dans le palmarès des pires sons, allons-y avec un plus subtil. Pretty soon I'm gonna have another. And another. Ed! Eddie's home! Can you come over, Ed? He's drinking again. I don't know what to do with him. Get away from that phone! On comprend donc un couple qui se chicane. Not Daddy! Ah? No, no, Doc. Please, Daddy. C'est malaisant. C'est, ah, ça, c'est même pas un couple, c'est un. Ben oui, c'est parent. Papa. Parent et voilà. Ah non, c'est les gens qui se chicanent. Je sais pas, moi, si je mettrais ça dans le palmarès, c'est pas du tout. Ça peut être malaisant, mais c'est pas le pire son, genre, que l'oreille déteste. Ensuite, prochaine position, qu'est-ce qu'on entend ici? Attention. C'est souvent, des fois, ce qu'on diffuse la nuit assez fou quand quelqu'un oublie de monter l'ordinateur. Ça, en fait, je trouve pas ça agressant, je trouve ça juste insultant. C'est dérangeant, moi, je trouve. Non? Insultant? Insultant. T'essaies d'avoir quelque chose, puis c'est ça que t'entends. C'est un haut-parleur, évidemment, qui fait des hums, si on veut, le buzz dans les haut-parleurs. Ensuite, une personne qui vous dérange au repas. C'est quelqu'un qui mâche la bouche ouverte. La bouche ouverte. Ma mère, en fait, elle, c'est pas d'entendre les gens manger la bouche ouverte, mais c'est, tu sais, quand tu tires la nourriture sur la fourchette, mais avec tes dents, au lieu d'avec les lèvres. Ah, j'avoue! Oui, ou quand tu coupes quelque chose et que ton couteau dans l'assiette fait un peu le même genre de bruit. Ah, ah non, ça c'est pour moi, c'est dans les pires. Et ton rêve est maintenant exaucé. Stéphanie, tu m'as demandé si c'était dans le top. Ben oui. Non. Ah, c'était bien de partir. C'est des ongles sur un beau tableau noir. OK, c'est assez pour moi. Celui-là est dans mon palmarès personnel, au moins le top 3, je pense. Ah, moi, c'est clairement le numéro 1. Mon numéro 2, c'est tu sais quoi? Non. Des mitaines, genre, tu sais, le tissu comme un peu rugueux, des mitaines, frotter deux mitaines ensemble, ouais. Là, des mitaines d'hiver, là, c'est... Ah, avant de remonter le son, j'avais oublié qu'il y a une chose que t'aimes pas, c'est... Non, t'es pas fin! C'est quand je gratte du tissu, genre. Non, le tissu, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça vient me chercher, là, dans les tripes, là, ça... Je suis très difficile sur les tissus. Principalement, les tissus des manteaux d'hiver et des mitaines et tout ça, ça vient me... Il y en a évidemment plein d'autres qu'on aurait pu mettre. Peut-être un sac de plastique qui froisse, des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Un zipper, peut-être. Un chat qui miaule la nuit. Tout à fait. Ah, pour vrai, des chats qui se battent. Okay. C'est très agressant comme son que ça fait. Ou une chatte là, qui veut se faire... Se faire, ouais. Ma chatte, à moi, on la fait raser parce que c'est un chat, c'est un persan. Donc, elle fait beaucoup de nœuds dans ses poils. Donc, on la fait raser une fois par 3 mois. Et elle te fait le cri le plus strident que tu as jamais entendu. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est dans mon palmarès aussi. Ah, d'accord. Donc, voilà, pour son foutu palmarès, le mien et le tien. Et le leur. Et les miens et les nôtres. On refait ça une fois de temps en temps. À assemblage recul. Parce qu'on aime ça. Ben, là, à un moment donné, il faut bien avoir du plaisir dans la vie. Hein? Ouais. Voilà. Donc, tout à l'heure, on aura Véronique Mire, la deuxième partie de la chronique violonnaire sur la lettre P, mais pour l'instant, on écoute la position numéro 8. The Ballad of El Goudou. De Zeus. Goudou, goudou. Goudou. Non, c'est pas ça. C'est comme des guili-guili à des enfants, hein, des bébés. Goudou, goudou. Est-ce que c'est d'un pire son que t'as jamais entendu? Goudou, goudou. Non. Non, c'est cute. C'est mignon. Goudou, goudou, goudou. Goudou. Ouais, c'est comme la musique pour enfants, en plus. Oh. Oh. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by. at my side is God. There ain't no one going to turn me around. There ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you what they know. There's places they can send you. En fait, parce que je m'amuse avec une application vraiment bébé à la. OK, raconte. Et je viens de voir le visage. En fait, c'est pour fusionner des visages ensemble. Et là, je viens de voir mon visage à moi fusionner avec celui-là de Jean-Philippe. C'est très perturbant, il y a beaucoup de poils. Oui, mais c'est normal que ça prenne les poils de JP parce qu'il en a beaucoup à partager avec la population trifluvienne. Alcool! OK. Ouais. C'est très perturbant. C'est presque plus perturbant que la tienne mélangée avec moi. Ah non, mais en fait, on dirait que n'importe quelle version de moi avec de la barbe, c'est un peu toujours perturbant. Est-ce que tu vas mettre ça sur Facebook ou tu vas te garder une petite gêne? Hein? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je t'encourage. J'hésite. Parce que c'est très drôle. Les gens à la maison vont adorer ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Pendant qu'on parle, ben, t'sais, justement, parlant de gens qui se fusionnent ensemble et ne font qu'un, voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique sort de C'est un fait, où on parle évidemment de faits, mais plus ou moins osés, donc c'est pour un public plus ou moins averti. C'est le slogan qu'on a choisi. Donc, commençons par une description de mots, ce qu'on aime faire ici. C'est l'éproctophilie. Qu'est-ce que c'est l'éproctophilie? Ah, oh, bon, tu sais, j'en ai aucune idée. Proctologie, quelque chose, ça a pas rapport avec le... Procto, hein, dans le... En arrière, là. Hein? Par la porte d'en arrière, ça, procto. Je sais pas. Bref, c'est être sexuellement excité par les autres qui pètent, les gens qui pètent. Il y a seulement un cas qui a déjà été étudié. J'aurais pu ressortir l'effet sonore de tantôt dans le palmarès des pires sons. C'est un peu étrange. Un peu étrange, ben justement, un seul cas. Hein. La philémaphobie. Philéma. Filet de tricoter, la peur du tricot. OK, ou filet mal, peut-être. Filet mal. Non, c'est la peur d'embrasser. Oh. D'embrasser quelqu'un, ça c'est pathétique, c'est un peu triste. C'est triste. Ça te fait pas une très très belle vie. La mastrophobie. Mastro. La peur de la masturbation. Ah ben oui. Non, c'est la peur irrationnelle des poitrines des seins. Même moi j'ai pas ça. Ben non. Un parthénologue ou parthénologiste, on sait jamais vraiment en français, ça dépend, hein, je pense. Bref, c'est quelqu'un qui se spécialise dans l'étude de parthénologiste, parthénologue. De le. Je sais, le. Non. C'est l'étude de la virginité, des vierges. Ah! Bizarre. Un milliardaire à Hong Kong a offert 65 millions de dollars à n'importe quel homme qui serait capable d'impressionner et ensuite de marier sa fille lesbienne. OK. Non! C'est n'importe quoi, ça, tu penses? Ah! Un peu n'importe quoi. Hein? J'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Live and let live, let be. Ouais. Oh, baby, let me be. Une femme de 20 ans et un homme de 23 ans ont mis aux enchères leur virginité, on en parlait tantôt, la plus haute mise pour elle, femme de 20 ans. Combien est-ce que quelqu'un a misé, tu crois? C'est bien haut. C'est dans 6 chiffres. Ah ouais? Oui. 324 780 000. Ah ouais, tant que ça. Et pour l'homme? Ah, 10 piastres. C'est dans les 4 chiffres, 3 000 $. Ah! Donc, on voit déjà que les femmes sont un peu moins dépravées, là. Exactement. En 1609, pardon, un docteur qui s'appelle Wecker, Dr. Wecker, c'est... Le frère de Dr. Pepper. Exactement. Sauf que lui était à la maîtrise. OK. C'est sûr qu'il n'a pas eu son nom. De... Donc, il a découvert un corps mort, un cadavre, donc, avec deux pénis. Yeah. Deux engins masculins. Et depuis ce temps-là, on a documenté, on a trouvé 80 cas d'hommes avec deux engins. Ah! Quelque chose. La tribu Chua, en Afrique centrale, demande aux membres de la famille de s'abstenir des relations sexuelles lorsqu'un des membres de la famille est malade. Oh, c'est comme une minute de silence, oui. Mais une nuit d'abstinence. Exactement. Oh. Et sinon, ça ressemble un petit peu aux sympathy pains, là, quand tu as mal au cœur parce que l'autre personne à côté de toi a mal au cœur. Oh. C'est de l'empathie, c'est ça? Ouais. Empathie en français, je crois. Oui. Bref, c'est cute. Certains gens, bizarrement, on parle de fantasmes encore, sont attirés par les nombres, les chiffres. Oh. Tu sais, il écoute des chiffres et des lettres, puis c'est comme une fois sur deux. Hein? Un mathématicien, là. Oh, tabarnak. Eh ben, y a-tu des belles courbes? Deux belles boules, ça, fais-moi une translation. Oh, quand on sait pas ce que ça veut dire. Les femmes, généralement, flirtent plus lorsqu'il fait chaud. Donc, particulièrement l'été, flirtent plus. Ah, oh, ça dépend. Si t'es tout en soir, abstiens-toi. Ouais, ouais. C'est... ouais. Les médias sociaux ont dépassé la pornographie. C'est maintenant l'activité numéro 1 sur Internet depuis 2008, en fait. Ça fait déjà 5 ans. C'est-tu pathétique ou c'est une révolution? Je me demande si... L'affaire avec les médias sociaux, là, c'est que tu penses pas que les gens, principalement, ce qu'ils regardent, c'est des photos de leur de gens qu'ils connaissent, puis font des petites affaires. C'est comme la porn, finalement. Je sais pas ça. Tu tiens ça d'où? Tu fais ça, toi? J'entends dire. OK. Un ami? La rumeur court. C'est un ami. C'est ça. Je préfère des blagues là-dessus, par contre. Je préfère des blagues genre, c'est mon petit doigt ainsi que l'autre doigt d'abord et l'autre doigt d'abord jusqu'au pouce. Mais ça serait vraiment déplacé. Ouais, ça se fait pas. Une étude en France nous dit que les femmes sont mieux sans brassière, en fait. Ce serait mieux pour leur santé. Les brassières, en fait, ne descendent pas les maux de dos. T'sais, des fois, les gens vont porter des brassières parce que sinon, leur sein pèse par en avant parce qu'il fait mal au dos. Ouais. Okay? Ça peut faire que les seins vont plus facilement à être tombant avec le temps si tu portes une brassière. C'est comme le contraire de ce qu'on pense. Selon une étude en France, là, est-ce que c'est crédible? Je le sais pas. Écoute, pour avoir eu des témoignages de personnes qui voulaient avoir des réductions mammaires et qui, avec un bon soutien-gorge, ont laissé tomber parce que c'était à cause de problèmes de dos, je te dirais que j'ai des doutes. D'accord. On va faire plus confiance à ton expérience, l'expérience de tes amis. Témoignages. Voilà. Témoignage. Ça prend une personne typique 17 mois et 26 jours pour passer par-dessus un ex, les sentiments pour un ex. 17 mois? 17 mois, c'est un an et 5 mois. C'est long, hein, comme deuil. En effet. Il fallait vraiment que j'explique le 1 an et 5 mois. C'était pour toi. Hein, c'est plus pour moi. Les femmes sont plus influencées par l'odeur d'un homme que par son apparence. Ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Cool. Un beau gars qui pue est moins attirant qu'un moins beau, mais qui sent bon. C'est la rose. Non, pas la rose, non. C'est dégueulasse. Pire la lavande. Oh, wesh! Oh, non! 70% des hommes admettent aimer l'idée d'avoir des relations sexuelles en public. 70%. Ah, c'est beaucoup. Pas chez le 3 encore. C'est plus drôle quand c'est exactement le même chiffre, je le sais. Le poisson qu'on appelle... Colin, je pensais l'avoir trouvé celui-là. Mais il y a un poisson qui s'appelle Box Jellyfish qui a 64 arrière-trains. Des fesses? Porte d'en arrière. Anus. Ah, oh, OK. C'est clair. Hey, faut pas qu'il se penche d'une prison, hein, parce que... Faut pas qu'il échappe son savon. Ouais, c'est le Box Jellyfish. Cherchez des photos de ça. Un furet, une femelle furet. Va mourir. Une furette. Une furette. Si, oui, c'est exactement ça. Va mourir si elle va en chaleur et qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un pour se soulager. Oh! Non. Pour vrai? Ouais. Hein? Furette. T'as eu des furets? Non, mais mettons que j'ai une furette, là. Faut soit la faire opérer, soit y acheter un mâle, soit la soulager manuellement. Exactement. Wow. Je vais opter pour un des deux premiers. Mm. C'est ça? Ouais. J'aime pas, non, j'aime pas l'image du tout. De la troisième? Les trois, en fait. Lorsque tu embrasses quelqu'un passionnément, leur ADN va rester dans ta bouche pendant presque une heure. Non, ah. Ça dit au moins une heure après. Ben quand même. Ouais. Y a un restaurant à Tokyo dans le district de Roppongi où pour 8 000 $, tu peux avoir des relations avec un animal et ensuite le manger. Ah! C'est, tu sais, quand tu veux être fusionnel. Oui. Quand tu veux vraiment avoir une expérience culinaire. Malgré qu'il y a des insectes qui font ça, la menthe religieuse, par exemple. OK. Ben, elle mange son. La menthe wintergreen ou c'est de la menthe. Non, c'est la nonne. La nonne. OK. La pepper nun. Pepper nun, j'aime ça. C'est à Tokyo, pour ceux qui voulaient chercher l'endroit là, sur Google Maps. Les nachos, la bière, la pizza et les boissons gazeuses. Qu'est-ce que ça a en commun? Nachos, bière, pizza et boissons gazeuses. Ça fait engraisser. Non, on parle sexuellement. Ça fait engraisser. Ça cause ce qui va pas aider pour le sexe, peut-être. Ça va faire descendre les niveaux de testostérone et c'est apparemment lié ça à un faible taux de sperme. Donc, tu vas avoir moins de sperme. Ben oui, mais c'est parce que ça nourrit pas ton corps. Voilà. Dans le monde, il y a environ 100 millions d'actes sexuels par jour qui sont faits, effectués, transactionnés. Bravo! Bravo. On est responsable pour une partie. Pas nous deux ensemble. Bon, c'est ça, indépendamment. C'est bizarre, ça. Les couples, en moyenne, vont se chicaner 7 fois par jour. Hein? Voyons donc. Et ils sont responsables, évidemment. Je vois pas mon chum assez souvent. Non. Pour me chicaner 7 fois. Il va falloir que tu augmentes ça pour pouvoir te chicaner plus. Pour être en moyenne, parce que tu veux être comme un mouton, comme tous les autres. Non, pas vraiment. Pas du tout. À chaque année, en moyenne, 9 personnes sont blessées alors qu'ils essaient de se faire plaisir avec un aspirateur. 9 personnes. Est-ce que t'as pris un raisin pendant que je disais le fait? Tu pensais avoir le temps de manger ton raisin? C'est pour ça que j'ai ri à retardement. C'est normal. Wow. Je peux t'en prendre un autre? Si tu veux, vas-y. Prends-en 3 en même temps. 3, OK. 3 en même temps, puis fais-nous une belle petite phrase. Compte-nous un point. Tu veux que... Ah, oh, coronavirus, ça neige. Mon jardin, c'est une... Ça a l'air bizarrement sexuel, on dirait. Comme... T'sais, si, mettons, on sait pas que c'est des raisins, ça fait... Mais voyons donc. Je parle pas, moi. Quand je mange, d'habitude. Ouais, quand tu manges. Hey, c'était awkward comme Kinky Sexy Time, ça. C'était particulièrement inconfortable, je trouve. Ben, c'est juste des raisins. C'est pas des noix. Bon, sur cette note, voilà pour Kinky Sexy Time. OK, ça arrête de même, là. Ben, il n'y en a plus le choix, là. À un moment donné, c'est bien beau les malaises, mais... Mais justement, j'aimerais pas ça qu'on finisse avec le mien. Trop tard. Merde. Voilà pour cette heure d'assemblage requis. On revient tantôt avec Justine Renaud et sa chronique Justine procrastine. Et ça va sûrement être de meilleur goût. Oui, j'espère. On va voir. Je peux pas mettre d'argent là-dessus. Finalement. Ouais. Yeah. C'est toujours Rassemble Afrique à la plage pour la semaine du 12 août 2013. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau s'en vient tout à l'heure. Dans bientôt. Quelques minutes, sûrement. On a hâte. On s'ennuie de lui. J'ai vraiment hâte de montrer la photo de mixte avec ma face et sa face. C'est à s'y méprendre, on dirait sa sœur. Notre enfant. Ben, oui, non. Oui, c'est ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Donc, c'est ça, toujours Assemblage Requis. On vous présente le palmarès anglophone cette semaine. Et tout à l'heure, Justine Renaud. Mais pour l'instant, la position numéro 7 du côté anglo. C'est quand même monté de 13 places. C'est I Love You de Set the Wave. On vous aime. When I learned that I had a brother, I made up a dance for you. We'd be crime fighters together and do things that brothers do. When you told me about his mother and all that she'd been through, what could I do? C'était la formation Set the Well. Nouvelle entrée de la semaine passée, en fait, du précédent palmarès en 20e place, qui maintenant monte de 13 en 7e position. Wow! C'était débile, c'était super bon. Et dans quelques minutes, ce sera Justine Procrastine. On l'a vu entrer, on sait qu'elle nous parle de Foo Fighters, mais on ne sait pas comment ça va s'enligner, tout ça, avec les impertinences et les commentaires déplacés, comme ça, toujours. Ça va être spectaculaire. Spectaculaire. T'as un beau mot. Ouais. Peux-tu me prendre un raisin? Tu peux prendre plusieurs raisins. On a déjà fait tantôt, ça, par exemple, cette blague-là. Oui, c'est pour ça. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça a l'air lugubre, dis de même, hein, parce qu'il y a un fond lugubre en arrière. Ça. Ouh, je tue des raisins avec ma bouche. Aïe, aïe, ça jute de partout. Merci, Justine. Tu vois l'impertinence. Bruiteuse. Bruiteuse. Truiteuse. Ouais. Fruiteuse. On met ça sur Twitter, comme on dit tout le temps. Bon, mais je pense qu'on est dû pour une autre pièce. Hein. On est revenu juste pour ça, ça paraît pas, mais... Donc, le salon. Quelle belle pièce. Non! Tu sais qu'à C'est fou, il y a eu des tonnes et des tonnes d'émissions avec des noms de pièces. On a eu le boudoir avec Alexandra Carignan et Mélissa Beaupré. On les deux qui boudent tout le temps. Là, tout le temps. On a eu le vestibule avec Jean-François Fecteau. La sécheuse, c'est-tu une pièce de maison? Pour une très petite personne, peut-être. Il y en a eu plein comme ça, donc, tu sais, si quelqu'un cherche, il n'y a pas encore eu l'urinoir. Oh mon Dieu, ça aurait été tellement drôle, un équivalent masculin du boudoir, genre l'urinoir. Noire. L'urinoir. Noire. Donc pour l'instant, on va entendre la prochaine pièce, c'est-à-dire la position numéro 6, Stéphanie. Miroir, miroir. Mm-hmm. De Sons. OK. À bons ordres. Sons qui était un choix de Justine la semaine passée. Yeah, good choice. Mirror, Mirror, position numéro 6, ça monte de 6 places du côté anglophone sur l'album Images du futur. Hein? Images du futur. Et entre-temps, comme par hasard total, comme la pluie fait le beau temps, que le vent t'amène. Et le chien dans le jeu de quilles. Ouais. Arrive Jean-Philippe Charbonneau. YOLO. YOLO, yeah! C'est le beau Jean-Philippe Charbonneau. Toutes les filles tombent une après l'autre comme des mouches. Surtout quand je suis fusionné. Oui, ben parlons-en encore une fois, parce qu'on a parlé tantôt un petit oui, peu, mais... je vous écoutais quand même, tu sais. Ben, je suis pas là, mais j'écoute. Mais Caroline, sinon t'aurais manqué quelque chose, hein? T'aurais manqué des malaises, de la mort. Donc, Stéphanie s'était fusionné une photo avec moi, et moi avec Jean-Philippe, et Jean-Philippe avec Stéphanie. On parle d'un logiciel, d'une application iPhone qui permet de fusionner, application qui s'appelle évidemment... Fusion Face. Face Fusion. Face Fusion. J'y allais de déduction. C'était pas loin. Oui, c'était assez simple. C'est assez clair quand même. Et là, on disait que la photo de moi et de Stéphanie se fusionne un petit peu trop bien. C'est un peu étrange, spécial. En fait. C'est comme en train de dire que je suis comme une version à peine moins féminine. J'ai juste une face comme super masculine, mais juste pas la barbe. C'est pas très flatteur pour nous deux, t'sais. On n'aime pas ça, finalement. Non, c'est pas le fun. On a abusé plate, ce jeu-là, moi, je veux plus jouer. Puis la fusion de moi et Mathieu, il a l'air potelé. Ah! On dirait Monsieur Patate. Caroline! La fusion de moi et JP, c'est JP qui a l'air comme vraiment très efféminé. C'est magnifique. Est-ce qu'on a essayé Justine avec quelqu'un d'autre dans la gang? On veut pas. Est-ce qu'on peut fusionner plus que deux personnes? Non, mais c'est parce que déjà, en fait, étant donné que j'ai pas la version premium... Ah, la version pro. Je peux seulement prendre les deux derniers visages que j'ai pris en photo. OK. Ah. Et je peux pas en supprimer. Et ça coûte 2$. Ben, cotisez-vous. Puis, pour supprimer des photos, 2$. Cotisez-vous, puis j'achète la version premium, là. Ben, à date, on est parti pour s'acheter des petites affaires, là-même. Fait que, on débloque un budget. Au lieu d'acheter des bonbons. La semaine passée, on pourrait acheter des... Quoi? Vous êtes acheté des bonbons? Ça se pourrait. Mais en fait, mon avocat. J'en fais pas amener des Mike and Ice, au fond, en studio. Il y en a comme 4 pour 25 cents. Genre. C'est super bon. Bon achat. Exactement. Non, c'est super c'est bon. Les meilleurs bonbons au monde. Oui, puis ils nous regardent. Tu sais, t'arrives, tu sors du studio, puis ils sont là. Les bonbons. La petite machine à bonbons, etc. Comme mort. Okay. On devrait être commandité par une compagnie de bonbons. On l'a déjà... OK. Parenthèse, pas intéressante pour une scène, mais ou 25 scènes en fait, c'est comme vraiment intéressant comme un petit gobelet. Mais ô combien pratique. Mais tellement. Bref, pour dire que on a déjà été commandité l'émission Assemblage Requis le matin par la compagnie qui fait les bonbons Bigfoot. Gros pied, comment ça s'appelle? C'est les bonbons Allen Candy. Voilà. Bref, pour les renommer et espérer qu'ils reprennent la pub. Bref, on avait des bonbons à faire tirer pendant toute une semaine, je vous jure. C'était vraiment le fun. On arrivait le matin, puis on avait une grosse caisse, un gros sac de bonbons, puis on faisait tirer ça, des Mike and Ike. Mais maintenant que je travaille ici, oubliez ça, il n'en resterait plus à tirer. Là. T'es arrivé au mauvais moment, je te dirais. Non, en fait, non. Je pèserais peut-être 200 livres au lieu du poids présentement que je ne nommerais pas. C'est ça, mais tu serais heureuse. Peut-être pas, là. Qu'est-ce qui est mieux? Voilà. Fat and happy ou slim and happy? J'ai clairement déjà pris ma décision. Est-ce qu'on est prêt, Justine? C'est une question, ça? Moi? Prêt à écouter une autre chanson? Parfait! Allons-y avec la prochaine position du palmarès anglophone, c'est-à-dire la position numéro 5 qui descend de la première place. On n'a pas fait parler de Jean-Philippe du tout de la journée, on peut bien laisser passer. Ben oui, palmarès, c'est moi. OK, vas-y. Ben non! Je te taquine! Trouve la star sur la feuille. Bon, fait qu'on dit que ça a descendu, répète-moi ça. Wow, c'est la 5e place anglophone. Fait qu'on va avec Alice in Chains. Ouais. Hello. Et tantôt, quand je disais que t'avais manqué les malaises de plutôt dans l'émission, ben, il y en a d'autres, là, tu sais, il y en a d'autres. Ben oui, mais je m'adapte. Il reste le reste de l'émission. T'avais juste à faire ça. Je suis comme un caméléon. C'était Hollow de la formation Alice in Chains, l'ancien numéro 1, maintenant 5e place anglophone. Gang, Jean-Philippe, Stéphanie. Mathieu. Ouais, merci. Je suis pas dans la gang, moi. Ben non, mais j'allais te présenter. Non! Oh! J'allais dire, êtes-vous prêts pour la chronique? Je sais, vous arrêtez comme une transition mielleuse, puis... Arrête de procrastiner, là. Go. Là, là? C'est là. OK. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm staying in bed today. And it doesn't matter what the app to say to me, or do not care just what the app to say to me. Bum bum bum bum bum bum da da bum bum bum bum. Wow! Hey, c'est bon, ça! Oui, il faut pas procrastiner dans la vie, parce que même si t'as plein d'autres affaires à faire, c'est pas une excuse pour pas avoir fait quelque chose que t'es supposé faire. Exactement. Il y a jamais d'excuse pour faire quelque chose le lendemain qu'on pourrait ne jamais faire aussi. Je vais retenir ça. Dans le sens que si on a quelque chose à faire puis qu'on le fait pas puis que finalement quelqu'un dit « Hey, finalement, t'avais pas besoin de faire ça, tu sautes dans ta barouette! » Et voilà! Ouais, ben c'est ce que je pensais qu'il allait arriver, mais non, finalement, il fallait que je le fasse. Fait que allons-y avec ta chronique aussi, parce que si jamais tu te fais pogner, ça va paraître. Et ça va paraître. C'est ton dossier. Fait que allons-y avec du Foo Fighters. Exactement, Foo Fighters, qui, je trouve que ça s'agence bien avec ce qu'on vient d'écouter, Alice in Chains. Ouais. Alice dans les chaînes. Dans les chaînes, pas les arbres. pas pantoute. Ah, c'est une chains, comme il dit. Dans les CHE, accent circonflexe. C'est pas plus drôle quand tu l'expliques. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Foo Fighters, vous en avez tous déjà entendu parler. À la maison aussi, je l'espère. Oui, les combattants de la folie. Oui. Oh mon Dieu, mais... Les Dr. Pepper, on pourrait dire que c'est presque des Foo Fighters parce qu'ils nous sortent de la folie. Mm-hmm. Pourquoi on parle tout le temps du Dr. Pepper? Parce qu'on en veut. Oh, oui. On en veut. On en veut. Mon Dieu. Demande spécial à la chasse-galerie, il n'y en a pas. C'est bon. Mais Foo Fighters, en fait, là, je vais revenir plus tard de qu'est-ce que ça veut dire Foo Fighters, mais c'est pas des combattants de la folie. Non, okay. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était comme des Kung Fu Fighters. Ah oui, oui. Tu sais, comme quand ils ont sorti la chanson « Everybody was Kung Fu Fighting ». J'étais convaincue que les Foo Fighters, c'était comme à moitié inspirés l'un de l'autre de je sais pas quoi. Là. OK, j'avais genre 10 ans. Là. Bon, hein? Belle on rira pas de mes connaissances très maigres en la matière quand j'avais 10 ans. Mais aujourd'hui, je sais plusieurs trucs, dont que leur band, dans le fond, a connu une espèce d'histoire tumultueuse. Ça n'a aucun bon sens. Tout ça en partant du décès de Kurt Cobain, bien entendu. Mm-hmm. Mais il y a eu des allers-retours dans ce groupe-là. J'ai jamais vu ça. T'sais, j'aime bien ça, dire comment tel membre, il s'est battu avec tel membre, puis l'autre, il a couché avec le chat de la voisine, puis tout ça. Puis finalement, ça cause qu'il y a des personnes qui viennent et qui partent du groupe. Mais ça, c'est pire que pire. Fait que je veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste vous dire un peu comment ça a commencé, ce band-là, parce que c'est très intéressant. On sait tous que Kurt Cobain s'est enlevé la vie en 1994. Lui, il était le lead de Nirvana, le groupe grunge historique des années 90. Et Dave Grohl était en fait le batteur de ce groupe. Puis, pendant qu'il faisait partie du groupe Nirvana, il était enfin en train d'écrire des chansons en secret. Il voulait pas partager ces chansons-là avec les autres membres de son groupe parce qu'il était très, très, très, très intimidé par Kurt Cobain. Il l'adulait quasiment. Là. Il trouvait que ce qu'il faisait, c'était rien à comparer à Kurt Cobain. Fait qu'il a tout gardé ça pour lui-même. Mais suite au décès de Kurt Cobain, c'est ça, le chat est sorti du sac, il a fait miaou, puis il a été enregistré un paquet de chansons. Il a pas fait growl? Growl? Oui, lui, c'était peut-être plus un chien qui est sorti, un chien un peu loup. Sale, probablement. Ouais. Oui, Dave Grohl, il a vraiment l'air en fait, il a beaucoup de cheveux, là, puis il pourrait passer pour un loup. C'est ça, hein? Ouais. Fait que si vous voyez un homme loup quelque part, ça se peut que ça soit lui. Ça n'a aucun rapport. Lou Diamond Phillips, on parle. Exactement. Acteur, non. Puis, il a enregistré un paquet de chansons, mais il avait aussi reçu des demandes pour rejoindre des bands tels Tom Petty and the Heartbreakers. Et il a dit non à tous ces bands-là. Mais quand même, Tom Petty, tu dis pas... Non, Tom. Eh bien, lui, il a dit non. C'est pas un petit nom. It's not a petit nom. Petit nom. Al Pacino. Al Pacino. Alors, au début... C'est très bon, bravo. Oui. T'as comment dit ça? J'ai oublié de prendre des notes. Al Pacino. Al Pacino. Mon rôle. Pendant que t'écris ça, je vais continuer. Dave Grohl, il a commencé solo, en fait. Il voulait rester à peu près anonyme. Là. Je sais pas comment il voulait faire son compte, parce qu'il a enregistré plein de chansons. Puis après ça, il a été montré à ses amis. « Ah, c'est mon ami! » Non, je sais pas comment il est resté anonyme. Finalement, il est pas resté anonyme. Et sous le nom de Foo Fighters, ça veut dire « chasseur fantôme ». Le jeu des Foo Fighters, ce sont des chasseurs fantômes. C'est des phénomènes aériens, généralement une ou plusieurs boules lumineuses blanches, jaunes ou rouges, rapportées à de nombreuses reprises par les équipages des forces armées aériennes alliées ou de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis les Foo Fighters sont considérés comme un élément fondateur pour les personnes s'intéressant aux ovnis. Néanmoins, même si plusieurs explications coexistent, l'explication la plus simple est qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène naturel survenant dans certaines conditions. Mais c'est précis. Fou, c'est, hein? Précis. C'est quand même... Oui, c'est... J'ai été chercher une définition parce que je voulais vraiment pas me planter au cas où il y a des amateurs d'OVNI là, qui m'écoutent en ce moment. Là. Lâcher des chips après minuit. Là. Pas de chocolat avant de se coucher. C'est pas ça. Bon. Faites pas ça. Et après être solo, il s'est dit « Ah, je devrais bien m'associer avec quelqu'un. Tu sais, question que je fasse pas tous les instruments moi-même. » Et il a voulu s'associer avec son ancien membre de Nirvana, Chris Novoselic. Et on s'entend que ça aurait été un peu bizarre de s'associer avec quelqu'un de qui le départ du groupe a été causé par le suicide du membre fondateur Kurt Cobain. Fait que se sont dit, ouais, pas une bonne idée, mais hey, on prendra une bière. Et finalement, il a entendu parler qu'il y a un groupe qui se démembrait. Un groupe qui s'intitule Sunny Day Real Estate à Seattle. Il se démembre de Nate Mendel et de William Goldsmith. Puis David Grohl y a été les recruter. Donc, on a commencé à partir de ces trois personnes-là. Et savez-vous sous quel label ils ont enregistré leur premier album? Roswell Records. Ah, comme les ovnis. Génial. Wow. La vérité est ailleurs, comme dirait Mulder. Exactement. Mulder. Le band Mulder. C'est pas pire comme nom. Mulder. Arrête de me faire rire. Mais là, ça n'a pas pris de temps que Dave Grohl a subi une espèce de... Comment je peux appeler ça? Un syndrome de Billy Corgan. Hein? Billy Corgan, qui est le chanteur, le membre fondateur de Smashing Pumpkins, okay. Qui lui, il enregistre à peu près pas mal tout. Hein? Lui, il n'est pas content avec la manière dont ses musiciens jouent, fait qu'il enregistre toutes les partitions en recording. Puis c'est seulement quand ils sont en tournée que les membres les jouent. Je vous le jure. Wow, fait que Dave Grohl, belle confiance. Je te jure, là, pour vrai. Là. Dave Grohl, il n'était pas content avec la manière que Goldsmith, il drumait, dans le fond, hein, avec les percussions de Goldsmith. Donc, il a dit de ne pas revenir, qu'il avait déjà tout enregistré. Puis il a dit, OK, fais juste pas venir à l'enregistrement. J'ai tout déjà fait pour toi. Non. Il s'est senti trahi. Goldsmith est parti. Et ben ce fut la fin de Goldsmith, et avec raison. Jusqu'à ce jour, Grohl, il se sent toujours très coupable de ce qui s'est passé. Il s'est dit que c'était un gros bébé, là, puis qu'il n'aurait pas dû faire ça, mais il a dit qu'au moins l'album sonnait mieux. Après ça, un autre membre qui s'était ajouté, dont je vous avais pas parlé, là, il était quatre au début, j'en ai juste mentionné trois, pardon, mais Pat Smear, un des quatre membres fondateurs, a décidé de partir du groupe en disant qu'il était en burn-out. Il a arrêté de jouer. Burnout. Fait que ils ont trouvé un remplacement du nom de Franz Stahl, avec qui Grohl ne s'entendait pas non plus. Stahl comme un cubicule de toilette. Exactement, Stahl ou comme un joueur de hockey aussi. Et puis Grohl et Stahl n'étaient pas capables de coopérer, même si c'était des amis d'enfance. Fait qu'il a dit, Stahl, je te mets à la porte. Je vous le jure, sérieux, ça va pas bien. David Grohl, puis c'est tous ses membres, là, un après l'autre, qui passaient, puis ils partaient. Et dans le fond, Dave Grohl, ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, parce que je vous jure, je vous rentre pas dans les détails, là, c'est que c'est un espèce de génie musical, mais il est pas capable de laisser la place aux autres. Ouais, c'est pas un gars qui travaille en équipe maintenant. Exactement. Ouais. Un autre petit fait intéressant, vous avez probablement déjà entendu parler de l'espèce de rivalité entre Foo Fighters et Nickelback. Non? Foo Fighters versus Nickelback. Qui est le pire, non? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sais que c'est beaucoup alimenté par ce qui se dit sur Internet et par des gens, mais pas nécessairement les membres des groupes, mais paraîtrait-il que Dave Grohl, ah ouais, OK. Paraîtrait-il que sur Twitter, il aurait écrit, OK? Là, je vais faire la traduction après. Il a écrit « Nickelback walks into a bar ». There's no punchline because ruining music isn't funny. Ce qui veut dire, dans le fond, tu sais, comme genre un gars rentre dans un bar, là, c'est Nickelback rentre dans un bar, mais il n'y a pas de punch parce que il n'y a rien de drôle à détruire la musique ainsi parce qu'il aime vraiment pas la musique de Nickelback. C'est normal, si t'as du goût le moindrement, hein? Nickelback, on s'entend. T'sais, c'est comme de l'eau tiède, là, hein? Un petit peu. Laissez ça à la table pendant un bout. Un petit peu, là. Ça dépend. Quand tu prends ta douche, l'eau tiède, c'est beaucoup plus agréable que de l'eau brûlante. À boire, OK, excuse-moi. Je sais qu'il ne faut pas faire de blague là-dessus parce qu'ils ont déjà gâché la musique, c'est assez. Exactement. Mais il n'y a pas de sensation forte à écouter Nickelback, mettons. Mais une autre affaire qu'il aurait écrit, celle-là, je la trouve vraiment drôle, c'est si tu joues la musique de Nickelback à l'envers, tu vas entendre le démon. C'est-à-dire mais... Nickelback. Si tu joues du Nickelback à l'endroit, c'est encore pire, t'entends du Nickelback! Oh, moi, je l'avais entendu avec Justin Bieber, cette blague-là. Oui, moi c'est aussi. Tout aussi savoureux. Même chose. Exactement. Fait que je pense que peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Là, je peux pas vous dire que Dave Grohl a vraiment écrit ça sur Twitter, mais je sais qu'il s'aime pas ben. Je pensais dire, je sais pas si c'est tout à fait vrai, j'ai jamais vraiment écouté du Nickelback à l'endroit pour te dire si ça sonne comme du Nickelback. Mais tu sais, Nickelback, c'est vrai que les deux groupes ont comme une espèce de sonorité parfois un peu similaire. La seule chose, c'est qu'à mon avis, Dave Grohl a réussi à peaufiner ses chansons, à amener un autre niveau. Puis on voit qu'ils n'ont pas vraiment le même background. Là. Je veux dire, Dave Grohl, il a quand même subi des choses. J'ai l'impression que le chanteur, ou en tout cas celui qui écrit les chansons de Nickelback, celui qui écrit les mêmes chansons pour Céline Dion, dans le fond, là, ils écrivent-tu leurs chansons de Nickelback? Je sais pas, ben là... Ça se peut. On va les appeler. Ouais. On va les appeler. Fais-nous sa biographie, Nickelback. On les a justement en studio! on se mélange, puis on invite l'arrière-nièce, là, Nicole Back. C'est l'ancêtre de Back. C'est un génie musical, Nicole. Nicole, c'est une génie. Nicole Back. Ah, oh, c'est excellent. Mais à la maison, vous connaissez probablement tous la chanson très populaire Monkey Wrench et qui va... Mathieu, ferme son secret. Et c'est une chanson exquise que je vous fais écouter immédiatement. Waiting another day. C'était les Foo Fighters et non pas les combattants de la folie, comme on a dit, les Foo Fighters étant comme des espèces d'objets non identifiés dans le ciel, souvent des petites lumières qu'on a vues dans la Deuxième Guerre mondiale. Ou le band musical dont le lead master est Dave Grohl. Là, je viens d'inventer une position. C'est étrange. Je viens d'inventer une position, puis c'est lead master. Mais le titre de la chanson... C'est n'importe quoi! Que je pensais à mon Stairmaster ou je sais pas quoi. Oui. Ton Thighmaster. Mon Thighmaster. 3000. Jean-Philippe nous a trouvé une très belle application. Je suis déconcentré par Jean-Philippe. Oui, oui. C'est une application en fait qui permet d'écrire du texte et ça scrolle comme sur une barre de lumière qu'on voit dans les magasins. Ah, je vois mon texte là. Oui. Mon texte, c'est oui. Ah oh, oui! On préfère ça. Je pourrais t'écrire ton introduction. Oui. C'est hot, c'est comme un télésouffleur. Mais parenthèse, comme on aime les faire ici, hein, on finit on jamais ses chroniques. Si t'écoutes le Mathieu Plante Show dimanche, oui. On a trouvé une façon de faire soi-même ses propres LED bars. Maison. Ouais. Ça se vend vraiment pas cher sur Internet, vraiment, vraiment pas cher. On pourrait essayer ça dans la fenêtre. Ça prend wow. Une procrastination. Pile à melon d'eau. Live. Live, ce serait génial. Ah, c'est une bon. Pile ça. À melon d'eau. Une pile à melon d'eau. Laisse faire. Oui, moi, je la comprends. Écoutez, à la maison, là, vous vous souvenez, j'ai joué trois chansons, voilà un an à peu près. Là. Voici les titres. La première, c'était Monkey Ranch. La deuxième, The Pretender. La troisième, Bridge Burning. Malade. Bon. Mais je dois vous avouer que d'habitude, je sors genre comme à peu près 10 000 chansons du même album parce que je stick sur un album. C'est souvent ça qui arrive. Mais là, j'ai fait par exprès pour prendre trois albums différents. Le premier étant The Color and the Shape, Monkey Ranch, qui est sorti il y a super longtemps, en 1997. Fait qu'après leur espèce de mini-album Foo Fighters, ils ont sorti The Color and the Shape, puis cette chanson-là est tirée de là. Tandis que The Pretender est sorti de Echo Silence, Patience Grace, un album que j'ai beaucoup aimé, qui lui est paru en 2007. Et Bridge Burning de leur album Wasting Light, qui est le dernier album à avoir paru. Cependant, on a des plans de sortir un nouvel album d'ici 2014, quelque chose du genre. Donc, espoir, hein? Je voulais juste finir de même. Pour espoir. Moins, espoir. On finit sur une note zen. Ouais. Exactement. Donc, si vous vouliez savoir les noms des chansons, c'était ça. C'est un peu violent, mais c'est ça défoule, je pense. Surtout en auto, là, quand tu fais de la rage au volant. Là. Where are you? Ben, ou quand ça. Tu dis bonjour à des gens qui dînent et qui te répondent pas quand tu passes ce tune là. Puis que tu penses que c'est un trou de cul du deuxième étage. Non, j'ai. Oui. C'est ça que tu voulais dire? Mais finalement, c'était Jean-Philippe. Ben ouais, oui, qui voulait être gentil tu sais. Dans sa Audi. Ouais. Oui. J'étais con. Ben c'était quoi? C'est quelqu'un qui t'a vu me dire bonjour. Il disait, il y a un gars avec des cheveux qui t'a dit bonjour. Avec des cheveux! C'est pas Monsieur Net. Ça enlève Monsieur Net. Ah, c'est bon. C'est pas mal quoi, tout ce que ça enlève. C'est pas Dr. Evil. Ça enlève. Dr. Terreur. Ça enlève aussi Bob sans cheveux. Ouais. Oui. Je suis pas le docteur dans X-Men, non. En chaise roulante. Xavier. Oui, Xavier. Ça l'enlève pas Xavier Dolan. Ouais. Xavier Dolan. Alors, lui, il y a trop de cheveux. Ça aurait pu être lui qui me dit bonjour. On va se rendre à ça. Et voilà. Hey, si on vient une blague plutôt que j'ai pas fait, que j'aurais aimé faire, là. Espoir, là. Espoir, là. Espomme, esprune. Non, c'est ça. Non, non, mais c'est que espoir, là, c'est. Ah, oh, c'est pas bon comme blague. Mais c'est la version fatise de S-Club. C'est S-Poir. C'est S-Club. Mais là, c'est des filles poires avec les grosses. Ou ben. T'es un auteur. Un vrai auteur. Non, on peut pas la dire celle-là parce que dans le fond, il faut vous mettre en contexte. Parce que des fois, Mathieu, il m'impose des choses. Il m'impose des mauvaises blagues de mauvais goût. Fait que je suis un auteur. Impositeur. Oh. Elle est vraiment pas bonne, dit de même. C'est juste le fun quand elle est en contexte, on dirait. Oui. Moi, je m'imagine très bien Espoir, le groupe de. Le ben Espoir. You ain't got me down. Puis là, ça pourrait être une grosse poire sur le cover. C'est ça. Espoir. Au lieu d'une pêche. Ça va jusque-là, la blague. Oui. Déjà. C'est fini. Je pense qu'on va transitionner. Même pas besoin de musique. Là. On s'est déjà lavé les oreilles de mes mauvaises blagues. Juste en écoutant un petit peu le fond pendant deux secondes, comme ça. Puis on transitionne vers une autre chronique. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Applique-toi. Ben là. Donc, la chronique, les instructions d'assemblage, on vous présente des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. Je pense que c'est la chronique qui commence à nous faire plaisir pas mal. Là. On aime ça. Mm-hmm. On aime ça. Par exemple, on parle des fois de recettes. Tu sais, je suis pas Ricardo, OK? Puis je veux pas que ma chronique devienne une chronique de cuisine, mais j'en trouve des fois des papiers. Comme effouérer une tranche de pain. OK? C'est, tranche de pain, c'est mon calibre de recette. Mettre une tranche de fromage dessus, OK? de fromage genre jaune, orange. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ça va très bien. Très facile. Tu roules le tout, mais quand même relativement serré, OK? Et tu mets ça dans le four. Là, les instructions sont plus détaillées sur le site, là, mais c'est écrit tellement petit sur mon écran 11 pouces qu'il va falloir que je me rapproche un peu. Donc, tu roules ça, même très, très serré. Tu mets ça à, genre à médium dans le petit four grille-pain. Tu appuies avec une spatule. Tu la revires jusqu'à temps que ce soit brun, tous les bords. Et puis, ça va te faire un genre de grilled cheese roulé. Et après ça, tu peux te tremper ça dans des trempettes comme genre de la sauce marinara. Un Rollo grilled cheese. Ouais. Mais dis-toi que le ratio de fromage par pain est augmenté. T'as c'est plus vrai? De fromage par pain. Parce que souvent, oui, ce qui est plate, c'est que t'as vrai. Deux tranches de pain. T'es comme, ah non, ça goûte à pain. Ça, certaines personnes vont faire des grilled cheese avec deux tranches de fromage. Moi, c'est ça. Ce que moi, je fais ça. Oui. Oh, yeah. Oui, oui. Ben, moi, j'en prends deux, mais c'est pour remplir le tour. Parce qu'une tranche dans le milieu, on dirait que ça fit pas. Non, ça fit pas. Fait que je la mets dans le coin, puis je découpe des lanières de fromage pour remplir le reste. Quel bon conseil! Mais moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de tranche de fromage plus grosse. Oui! Ouais. Tu sais, à la grosseur du pain. J'avoue. Ben, faut c'est pas des biscottes. Une brique de fromage, t'as la tranche toi-même, ça devient plate. Mais je sais pourquoi sont cette grosseur-là, les singles de peut-être Kraft, là, on dira pas c'est quelle compagnie. C'est que quand t'es coupes en quatre, si on les plie en quatre, je vous jure, ça fait exactement avec les paritos. Des petits craquelins ben paritos quand j'étais petite, là, j'en mangeais, écoute, 3-4. Fait que tu penses avoir un truc et astuce, on a sorti 4 dans la même. Hey, c'est off, on là. Mitraille. J'adore ça. OK, quand on prend l'avion, on veut voyager. Achetez vos billets d'avion pendant le milieu de la nuit. Ils sont moins chers que le jour où tout le monde les achète. C'est cool, hein? Aussi, ils sont moins chers si tu utilises apparemment le mode safe browsing, donc le mode incognito de ton furteur Internet. Parce que quand tu vas aller magasiner pour un voyage, tu vas souvent y retourner plusieurs fois et ils retiennent que tu le veux vraiment beaucoup. Donc, ils vont augmenter les prix. Oui, ça, j'avais vu ça. OK. Mais pas le 3h30 du matin, par exemple. Genre, peut-être même un petit peu avant ça. Genre, dans, tu sais, 2h30, 3h du matin. À la sortie des bars. Genre, c'est ça. Les gens vont pas aller chercher un billet de. Moi, je suis plus genre à mettre mon réveil matin, là. Puis te réveiller à ce temps-là, commander tes billets, puis retourner te coucher. C'est parfait. OK. Si t'as de l'eau, tu veux de l'eau froide, mais t'as pas de glace qui va rentrer dans ta bouteille. T'sais, tu peux acheter des racks à glace qui sont faits sur le long, mais là, on va pas s'embarquer dans des gros projets comme acheter des affaires. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le fond de sa bouteille d'eau. La mettre au congélateur, faire geler le fond de glace et après ça, top off avec de l'eau du robinet. Avec de la vraie eau. C'est une glace à tout cœur. Pour augmenter la surface de contact. En plus, tu peux la coucher ta bouteille d'eau sur le côté, juste pour qu'elle soit vis-à-vis du goulot dans le fond. Puis c'est ça. T'es carré. Une chose qu'on a une scientifique en studio pour en plus rajouter. L'échange de température se fait de manière augmentée. Justement, on parle encore de bouteilles. Vous partez en voyage et vous voulez pas que vos bouteilles de revitalisant ou de shampoing renversent. Mm-hmm. Hein? Retirez le bouchon. Débouchonne. ça va juste. Il n'y aura plus de liquide dedans. J'espère qu'il y a du suite. Mettez du saran wrap, de la couverture, genre de pellicule de plastique, et revissez le bouchon. Wow. C'est simple. Il y en a des simples de même. Ma grand-mère a fait ça même quand elle ne va pas en voyage. Dans sa salle de bain, tout le temps du saran wrap partout. Moi, je fais juste ça avec mon sirop d'érable. Parce que ça oui. colle. Ça... C'est bon, ça. Brillant. C'est brillant. Vrai, quand t'as fait ton sirop d'érable, puis tu veux vraiment des crêpes là. Et ne pas prendre du papier parchemin, ça déchire. Ça fait de la. Okay, du papier parchemin. Non, ben, pour faire cuire la viande. Mais c'est écrit, là, c'est pour écrire des parchemins, là, comme genre, pour empêcher les insectes d'entrer dans vos verres, c'est très, très simple. Prenez des petits papiers pour faire des muffins, OK? Virez-les à l'envers et insérez-les après la paille. Ça va faire qu'il va y avoir un petit chapeau sur votre verre. Oh! Ça empêche les insectes, c'est magnifique. Ça rentre pas dans la paille? Mais non, mais tu fais un petit trou. Non, mais je veux dire, l'insecte peut rentrer dans la paille. Bon, ben là. Un moustiquaire. Elle est ambitieuse, donne-y ça, là. Si elle réussit à rentrer dans la paille, elle a mérité. Mets ta boisson dans un pot hermétique. Puis un pot maçon. Voilà. Voilà. Mais en plus, ça, tu peux. Si, mettons, t'en mets tout un différent, tu peux reconnaître ton verre en plus. Ça fait pas très masculin, par exemple. Mettons, tu sirotes une bière avec une paille qui est une chupette. Je vais te prendre une Guinness. Si vous voulez jouer aux cartes avec des enfants, mais qui ont de la misère à tenir leurs cartes, prenez une douzaine d'eau à l'envers et insérez les cartes dedans. Ça va tenir. C'est beau. Si vos enfants ont bonne main. Si vous jouez avec des manchots. Le biscuit le moins santé qu'on puisse faire, encore une fois, une recette, c'est de faire des biscuits avec des Oreos à l'intérieur. Au pelail. Donc, tu y vas avec biscuits crus, donc pas encore cuits, Oreos et un autre biscuit. Et là, tout ça va faire un genre de masse corporelle. Master biscuit. Dans votre futur. Oui. Si on change la police des points, Là, il y en a que je me demande si j'ai déjà fait, je pense que non. Changer la grosseur des points dans un document. OK, donc le point à la fin d'une phrase, à la place de le mettre en point 12, tu le mets en point 14. Et juste changer les points de grandeur, ça paraîtra pas visuellement, mais ça va augmenter la superficie de votre devoir. 12 puis 14, ça paraît. Mais je vous le jure, là, entre 12 puis 12.5, ça fait déjà une grosse différence, okay. Puis tu t'en aperçois pas. Bon. Parce que rendu à la maîtrise, on s'entend qu'en 12 puis 14, les profs s'en rendent compte. Mais 12 puis 12.5, ça rend pas compte. Fait que tu vois, encore pis, un meilleur conseil. Puis ça peut prendre combien de temps, tu penses, à retrouver tous tes points? Puis les faire un à un? C'est vraiment long. Bonne question, bonne question. Ensuite, une bonne idée, mais que l'air cheap. On a déjà fait des conseils par rapport aux attaches de pain. On disait attacher votre fil de, mettons, de téléphone sur votre table de nuit en mettant de la gomme bleue en dessous d'une attache à pain. On trouvait que ça faisait cheap, c'est lettre. Ah, oh, mais moi, j'ai fait la version avec, tu sais, la pince à papier. Là, je te l'ai dit, ce conseil-là, la semaine passée, c'est de ma part, ça. Oui, ben je l'ai fait, sauf que moi, je peux pas le mettre sur ma table de chevet, mais sur ma tête de lit. Sur ma tête. C'est pas large. On parle de la petite pince là, de bureau là, pour attacher des feuilles ensemble. Pince noire, ouais. Là, avec les espèces de... C'est que tu peux enlever le bout de métal si tu squeezes le bout. Tu peux enlever le bout de métal, rentrer ton fil et remettre le fil. Je l'ai fait, c'est bon. Mon fil tient sur ma tête de lit. C'est merveilleux. Tu vois des testimonials dans la galerie. Si vous prenez vos attaches de pain, vous allez pouvoir grouper plusieurs fils ensemble et par exemple écrire dessus souris ou électricité. Oh. Et vous allez toujours vous rappeler quel fil. Et là, ça, c'est en arrière de votre bureau, fait que ça n'a pas l'air cheap. Ouais. Mm-hmm. C'est pas public. Comme, c'est toutes les souris qui traînent en arrière de votre bureau. Vous attachez toutes les queues ensemble, vous écrivez souris dessus. C'est ça. Mets du fromage, ils vont tous venir dans le même coin. C'est ça. Si t'as les yeux qui piquent, ceux qui souffrent de yeux qui piquent tout le temps, mettez des poches de thé de camomille. On dit ici qu'on peut utiliser des sacs de poches de thé de camomille pendant 10 minutes environ pour soulager le picotement. Et on répète le processus 3 à 4 fois par jour. Sont-tu mouillés, des poches de thé? Réponds. Attends un peu, je suis en train de lire mon affaire. C'est le seul que j'avais. Probablement que oui. Oui, je pense parce que oui. Parce qu'ils sont sèches. Des compresses froides, donc oui, mouillées. Ah, c'est bon, mais c'est vraiment une bonne idée. 4 fois par jour pendant 10 minutes, ouais. Ça, c'est 40 minutes au total. Là. Ça fait beaucoup de poches. Oui, tu peux faire d'autres choses en même temps, comme écouter la radio. c'est la seule bonne façon d'écouter la radio, c'est des poches de tête d'enfant. Ouais. Pour t'imaginer des choses. Oui, c'est ça, génial. On peut aussi utiliser des concombres, voilà, sur les yeux. Ensuite, génial. Quand vous faites du popping corn, comme j'appelle, au micro-ondes, quand vous le mettez dans le bol, tous les petits morceaux, les pop-popés vont être là, puis là, c'est comme ça. C'est assez plate. C'est plate, ça. Fait qu'à la place, ouvre juste un tout petit peu ton sac de popcorn, mais juste assez pour faire sortir les points. Les points. Les grains. Finalement, les grains. Tu mets ça au-dessus de la poubelle, tu shake your booty, et puis ça va sortir les. Puis après ça, tu peux juste verser ton. Tu peux ouvrir le reste du sac puis le verser dans le... Tu me regardes comme si tu comprenais pas. Ben oui, je comprends, mais je trouve ça tellement inutile. Sinon, c'est plus facile de faire le tri à vue d'œil. Bon, moi, il me semble que c'est plus facile de faire durer ton micro-ondes, le bon nombre de temps. Ben oui, ça s'achète tout à la même marque, puis rappelle-toi ça. Fais des tests. T'es pas cave, là. Mm-hmm. C'est ça. Puis sinon, au pire, je veux dire, mangez-les vos petits bouts de graines. Mangez-les vos graines. Moi, j'ai croque, puis c'est bon. Ouais, puis ça dure des heures. Voilà. Ça c'est génial. Pour empêcher les tranches de pommes de brunir, en fait, pour empêcher vos. Quand vous coupez une pomme en deux ou en trois, là, le restant, là, attachez-le ensemble avec des élastiques, ça va empêcher de brunir une fois dans le frigidaire quand il vous reste de la pomme, mettons. Il vous reste des bouts de pommes. Tu prends un bout de pomme, tu reprends le reste de la pomme, tu les attaches avec un élastique, tu les mets dans le frigidaire, puis la lumière va pas, tu sais, puis l'air va pas contacter. Ça va empêcher de brunir un peu. C'est bon, ça. Je trouve ça cool. Quand vous faites votre mot de passe, il y a tout le temps quelqu'un qui vous voit en train de faire votre mot de passe, puis là, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, il va comprendre, tu sais, puis en regardant les traces sur ton téléphone, il va savoir quel caractère que tu as utilisé, hein? Bon, mais utilise des lettres avec des accents, parce que l'accent est caché en dessous de la lettre. Quand tu pèses, tu tiens le N, il y a un N tilde, puis un N accent aigu. Fait que tu lis ces lettres-là, comme ça va complètement brouiller les pistes. Stéphanie, je sais que dans ton ancienne automobile, t'avais pas de porte-verre. C'est Justine qui a pas de porte-verre en ce moment. En ce moment, j'en ai pas. J'avais le mauvais sujet. Utilise un soulier. Merci. Au fond de ton char. Oh, merci. C'est beau, hein? C'est la seule affaire qui traîne pas dans mon char à la date. Un soulier errant, là, ça, j'ai pas ça. Tu mets ton verre dedans, puis ça tient. Si tu vas à la plage, mets ton téléphone dans un sac de sandwich, tu vas quand même pouvoir utiliser l'écran. Oui, je l'ai déjà fait, ça. Bon. C'est malade. Génial, hein? Ouais. Mets du sel. Si tu vas au bar, puis ton verre colle après ta napkin, mets du sel sur ta napkin. Ça empêche de coller. Comme ça route, tu sais. Ah, c'est assez plat. Ben oui, mais là. si tu te sens malade, tiens, mets un bol de métal rempli d'eau sur ton radiateur si t'en as un. Mis dedans. Non, ça va faire de la vapeur. Un bol d'eau sur ton radiateur. Fait de la vapeur. Okay. Mettre ton iPhone en mode avion, ça va lui donner une charge plus rapidement. Vu qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas à perdre son temps à aller chercher sur Facebook sur des updates. Ben tu mets en mode avion. Tout le monde fait ça. Que ça charge plus vite. Ben oui. Moi, j'ai jamais fait ça. Ben, ça consomme moins, mais je savais pas que ça chargeait plus vite. Ben, vu que ça consomme moins, ça recharge plus vite. C'est l'un va avec l'autre. Si tu mets un petit peu d'eau dans un verre, dans le micro-ondes, ça va empêcher la croûte de ta pizza de devenir toute dégueulasse comme... Parce que ça absorbe. Molle, dur. De l'eau. Avec la pizza? Avec la pizza. Ça rentre-tu? Oui, oui. Okay. Ça dépend de ton micro-ondes. Là. Ben là, ça rentre dans un micro-ondes de plus que certains centimètres de grandeur. C'est de la gomme sur ton soulier. La gomme sur ton soulier. Ça, c'est gossant. Tu utilises WD-40. Ça s'enlève tout seul. Sérieux? Ça marche-tu dans les cheveux aussi? Ils seront peut-être pas la même couleur en sortant, je sais pas. Aucune idée. Si tu manques d'espace sur ton comptoir, utilise une planche à découper dans le tiroir. Tu mets ta planche à découper dans le tiroir. Je fais un petit peu de tiroir, ça fait une place de plus. Ça, c'est cool. Très bonne idée. On va finir bientôt, je pense. Une clip, comme on parlait tantôt, une clip genre... pince à bureau. Pince à bureau, c'est ça. Tu la mets au bout de ton ta pâte à dents, ton tube de pâte à dents. Comme ça, ben, ça va tenir. Puis tu vas tout le temps avoir la... Ça n'essaiera pas de se rendre jusqu'au fond. Tu sais, quand tu prends ta pâte à dents, ça va juste la remettre au fond. Ça existe, ce genre d'affaire-là, à 10 piastres. C'est vrai. Fait qu'à la place, une pince de bureau. Gratis. Voilà. Ah, saviez-vous? Ah, ça va changer votre vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Tu sais, quand on va dans un restaurant et qu'on prend du ketchup, oui. T'as un petit contenant pour mettre le ketchup, hein? Oui. OK? Saviez-vous qu'on peut l'extensionner et le rendre plus grand pour mettre plus de ketchup? C'est fait exprès pour ça, puis je le savais même pas. Tu peux expansionner. Si tu tiens le petit cop, là, puis tu l'élargis, bref. Mais parce que tu sais, il est fait comme en zigzag, ses côtés. Oui. Là. Si tu le pognes par en dedans, puis tu le tires, ses bords. Mais faut pas que t'effaces tout, parce que sinon, il va devenir plat. Genre, exactement. Mais tu peux le faire plat. Ben ouais, ça te fait une petite montagne. Oui, aussi. Pour mettre dans ton cabaret, à la place de mettre... Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je prenais... tu sais, on a tout le temps un apron de papier. Là. Je squirtais du ketchup sur le fond de mon apron. T'es fou. Puis là, ça devenait tout collant. C'est dégueulasse, mais je faisais ça. Je ferais plus ça. Mm. Bon. Et on apprend tous les enfants. C'était plate, ça, là. Comment aiguiser... Moi, je le trouvais bon. Comment aiguiser son ciseau? C'est de ciseauter, du papier sablé. Papier à sabler. Ah! Ça va aiguiser ton ciseau. Ça doit glisser les dents. C'est les pires sons du monde. Si vous avez... Ah tiens, si vous allez au magasin, juste pour que ça passe plus vite en fil, vous avez plusieurs affaires très, très lourdes, mettez les codes barres par en haut, comme ça, le service va être plus rapide. Elle va juste gonner sur le numéro. Tu n'auras pas à attendre toi-même qu'elle-même prenne les affaires dans ton panier ou tes sortes de panier. Prends moins de temps. Simple, ça. Si vous voulez vous souvenir d'amener quelque chose au travail ou n'importe où le matin, ben mettez-le dans votre soulier. Hein? OK, ça veut dire que ce soir, ta tasse pour le thé, oui. Faut la mettre dans tes souliers ce comme soir. Ça, je vais l'avoir demain. Ben, ou là, vas-y, peu importe. Si le chauffeur de taxi vous demande si vous venez du coin, ça, je pense que je l'ai déjà fait, celui-là, je me rappelle. Il vous demande si vous venez du coin, répondez oui, parce que si vous répondez non, il va faire exprès de prendre des détours. Oh, yes! Hein? Si vous voulez savoir si une femme est grosse ou enceinte, demandez-lui « Est-ce que t'as des enfants? » Et là, elle va te répondre, espérons-le, « Ah non, mais j'en ai un dans le qui va s'en venir bientôt. » Fait comme ça, tu n'as pas dit qu'elle est grosse, ça. Voyons! Madame, elle dirait pas ça. Le C'est mon imitation d'une femme, voyons donc. Tu peux demander ça en plus à des inconnus, c'est malade. Toi, t'as-tu ça, des enfants? Non, mais si ça dans une conversation. Mm-hmm. Ben, bref. Tout en y frottant la bédaine. <Oui. rire> Je peux pas finir là-dessus, j'ai l'air fou. Là. Mais il faut finir là-dessus, on n'a pas le choix. Bon. Viens avec Myrcent bien, avec sa chronique. Le Véronique Sionnaire, on finit sur une belle note. Trouvez pas? Oui. Méchante belle note. Wow. Donc c'est ça, fin de l'avant-dernière heure. Il nous en reste une quatrième tout à l'heure avec Véronique Mire et la deuxième partie de la lettre P dans le Véronique Sionnaire. On a aussi ça exprès, ça devrait répondre là. Cool. Cool. Restez là. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. La dernière heure d'Assemblage requis à la plage pour cette édition du 12 août 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Ben oui, t'as cherché mon nom? Ben non, je suis en train de me dire que ma tasse de café, on dirait qu'on fait une émission du matin. Mais je vais prendre une gorgée de café. Il reste quelques semaines encore. Et moi là-dedans. Oui, et lui, ben, c'est Mathieu Plante. Voilà. Toujours en compagnie de Justine Renaud. Ouais, derrière la lampe. C'est bien caché, tout ça. Et on accueille tout le monde. Écrime, je pense que c'est la. Est-ce que c'est la première fois de l'été ou non? Peut-être une autre fois ou deux. Mais bref, on est cinq, exactement. Mm-hmm. Yay! Micro, micro bien rempli. Tout le monde est là. Et on accueille Véronique Mir. Wouhou! Qui voici avec le Véronique Sionnaire. Oui! Oui, deuxième partie. Donc, parapapam-pam, comme tu me dis dans ton courriel. Parapapam-pam, ouais. Parapapam-pam. Tu commences par peu une expression. Comment? De spectaculaire. Spectaculaire? Ma foi! Ça vient pas de la même région, je pense, pour utiliser le mot. Pétillant. Voilà. Pectoraux. Pectoraux. C'est bien le fun aussi. Pas piquer des verres. Pikachu. Pikachu. Pikachu! Ah, puis des pistaches. Voilà. Est-ce qu'on fait un résumé de ce qu'on a dit la semaine passée? Est-ce que tu as encore juste la liste des mots que tu as fait ben la semaine oui, passée? Ben oui, je vais vous dire qu'on ça. Qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on a déjà fait? Ouais. En gros, on a parlé des piranhas. Piranhas. Premier, on a vu que les piranhas ne font pas qu'attaquer en bande. Pourquoi que la pomme brunit? Oh. À la lumière, puis elle ne brunit pas dans le noir. C'est intéressant. Les pupilles de chocolat qui gardent leur forme dans les biscuits, dans les muffins. Ah oui. Oh, bien. Les patates. On a parlé des pétacles. C'est bon, les pétacles. C'est très, très bon. Oui. La peau fripée quand on est dans un bain. Ouais, OK. On a parlé de ça. La chair de poule. Uh-huh. On va parler de poulet, d'ailleurs, aujourd'hui. Les points de côté quand on est essoufflé. Donc, le diaphragme qui manque de sang qui fait qu'on a mal. Pourquoi les chiens font pipi sur les pneus? Pipi et pneus. Pipi, pneus, chien, caoutchouc. À cause du caoutchouc. C'est drôle, hein? Mm-hmm. Confondre l'odeur du caoutchouc avec le pipi d'un autre chien. Ensuite, on a parlé de Popeye. Ouais! Ça a fait mettre le chandail de Popeye. Justement, ben oui! Quand je t'ai vu hier, je me suis dit, oh, hey, ça aurait été génial. Hein? T-shirt de Popeye. Mais c'était hier. J'ai mis au lavage. Passé, c'est passé. Et puis, on a parlé du pantalon pour terminer. Donc voilà, ça c'était le tour de la semaine passée. Oui. Et là, on revient dans le présent. On a encore tout plein d'autres mots en P. C'est rare qu'on ait une chronique en deux parties. Comme tout poigné dans les cossins. Ouais. Donc, on commence avec les pyramides aujourd'hui. Mm-hmm. En bref, quand même, en bref, parce que là, les pyramides, il y en aurait tant à dire. Ça, c'était Sébastien Benoît, je me rappelle bien, qui animait ça. Pyramide, donc je vais pas vous dire est-ce que c'est les extraterrestres ou pas les extraterrestres. C'est pas ça le but de ce que je vais vous dire là. En Et fait, la réponse est non, de toute façon. Non. Pourquoi on les a construites, les pyramides? C'est souvent une question qu'on se pose pas parce qu'on se demande comment, mais pas pourquoi. Ouais. Donc, ils les construisaient pour que les rois, hein, c'était fait pour les rois, bien sûr, c'est des tombeaux pour les rois, pour qu'ils atteignent plus facilement l'astre solaire, le dieu Ra ou Ré. Mais j'aime mieux Ra que Ré. Le dieu Ré, c'est un peu drôle. Puis, c'est pour ça aussi que les pyramides sont à degrés, à marche, pour faciliter le passage vers le dieu Soleil. Ah. Puis, à un moment donné, même les pyramides étaient couvertes de plaques de calcaire blanc. Ce qui faisait qu'elle luisait là, vraiment dans la lumière du soleil. Ça devait être assez beau, hein, vraiment. Mais maintenant, il n'y en a plus même. Ça, c'est érodé. Oui, moi. Érodé. Voilà. Pékin, Beijing. Oh, ben oui, Pékin, c'est ça. Ça dépend des langues ou des endroits. Il y en a qui disent Pékin, il y en a qui disent Beijing. Mais c'est la même chose, finalement. C'est la même chose, exactement. Donc, c'est la distinction que je voulais faire. Donc, Beijing qui signifie capitale du Nord. Donc, c'est le nom de la capitale de la République populaire de Chine. Pékin, c'est juste son nom francisé. Ça cause tout le temps confusion aux Olympiques, entre autres comme Turino ou Turin. Il y a tout le temps deux façons de le dire. Il y en a qui disent à l'original, c'est comme la vraie langue. Il y en a qui disent en français. Ben oui. Donc voilà, c'est réglé maintenant. On sait Pékin et Beijing, même chose. Good. Pourquoi qu'on appelle les policiers des poulets? Ben parce qu'ils font cote. Non, parce que tu te fais cote. Tu sais, comme cut. Stack. Bon. Ou il faut être cote pour être policier. Ouais, aussi. Oh non, pas vraiment. Non? Non. Pour la cote. Ça dépend. Il y en a qui non. En fait, c'est que dans le milieu des années 1200, le roi Philippe IV de France a fait construire le premier hôtel de police de Paris dans un ancien poulailler. Ah! Donc, les policiers, depuis lors, sont appelés des poulets. Mais ça remonte à vraiment loin. Vraiment loin. On a gardé ça longtemps. Quand même, hein? Ouais. Là, tu pousses, hein? Je pense que ça va rester longtemps aussi. Poussin. C'est une blague de poussin. Vas-y, tu disais. Non, rien, il n'y a rien qui bat ton poussin. Merci. Merci. Des pâtes au congélateur. Miam, je sais pas, non? Ben oui, mais en fait, pour bien les conserver, okay, faire attention pour qu'elles soient aussi bonnes à l'entrée qu'à la sortie. Mais là, on parle cru, pas cuites. Des pâtes alimentaires cuites. OK, cuites. Oui, donc si vous faites des plats de pâtes et que vous voulez les congeler puis que ça goûte bon, que ça soit pas tout... C'est pas très bon, d'habitude. Ouais, ben, il faut d'abord pas les cuire entièrement. OK. Qu'elles soient encore un petit peu dures. Puis, si vous les mettez en sauce, ben mettez plus de sauce que nécessaire parce qu'à la congélation, ça absorbe pas mal de sauce. Puis là, finalement, vous avez un spaghetti sec. Sec. Avec rien que du buffer free puis des nouilles. C'est assez plate, ça. C'est plate. Ouh! Non, mais j'ai parlé, ça marche pas. Oh. Vous avez pas fait de vœux. Un pinky swear. Un pinky swear. Hey! C'est génial. Ah! Encore dans la bouffe, le poivre. Ça autre chose. Comme Dr. Pepper. Ça y est, on en a des films qui se font aujourd'hui. Ben, le poivre, juste pour vous dire, en grain, donc qui est pas... Moulu. Moutu. Moutu. J'allais dire égrené, puis je sais pas pas tout ça. Ah, moulu. Donc, à l'abri de la lumière, peut se garder indéfiniment. Ouais. Mais à l'abri de la lumière, quand même. Wow, donc, j'étais très surpris. Quand même, c'est bon à savoir. Mais s'il est moulu, ben là, il se garde 3 mois. Il garde sa saveur 3 mois. Okay. C'est pour ça, dans les petits sachets, des fois au restaurant, ça goûte rien. Ah, ouais. Puis l'arôme, surtout que l'arôme du poivre s'évapore vraiment vite. Donc, quand vous faites de la cuisson, si vous mettez du poivre dedans, vous pouvez la mettre juste avant de servir. Même pas pendant que ça cuit, parce que la chaleur fait que l'arôme du poivre s'évapore. Je fais ça dans mon craft dinner. C'est-tu vrai? C'est bon, hein? Du poivre dans du craft dinner. Craft dinner, à la fin, là, je te jure, je vais en mettre genre 2-3 tasses. Là. Ça goûte juste ça, puis c'est comme... Au moins, je tue tout le méchant. On a faim! C'est bon, avec des saucisses à dog. Oh, oui, ça arrive des fois quand j'en ai. Mais sérieux, le poivre, je suis sûre que ça va être la prochaine mode. Là, maintenant, c'est sur le vin. Là. Les Québécois sont tous partis sur le vin. Mais là, on va faire vieillir notre poivre. Si on sait que ça se garde indéfiniment. Là, moi, j'ai du poivre 2001. Moi, j'ai du poivre 1980. Ben, s'ils peuvent faire des boutiques d'huile d'olive, ils peuvent faire des boutiques de poivre. Oui. C'est clair. C'est tellement bon, en plus. Du vrai, là, moulu frais. Avec du crab dinner. Sur la salade, c'est bon. Dans des pâtes, c'est excellent. Encore dans la bouffe, écoute-donc, moi... Ça me donnait faim, ça. Ben, c'est l'heure du souper. Le pain. Oh, miam. Y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Dans le pain du Kraft Dinner. Pain du... Une sandwich de Kraft Dinner? Ben oui. Oh, mon Dieu, on devrait tellement essayer. On va lancer une mode d'ado. Ben, le grilled cheese extra pâte. Oui! Mon chum, il fait ça. Mon chum, il mange toutes ses pâtes. Il met tout ça dans une tranche de pain. Moi, je fais ça, ça, par exemple. Mais pas un avant-gardiste. Avec du beurre. Mais du beurre. Ben oui. Il met du beurre. Ben oui. Ah mon Dieu. Du beurre, une grosse poignée de spag ou de Kraft Dinner, tu plies ça, puis... Ça, c'est comme un repas de Bruni Surin, là. C'est clair, tu peux courir après ça, là, 100 mètres. Hyper consistant, là. Oh mon Dieu. Wow! Okay, c'est cool. Clair. On lance de quoi? Bonne chance aux gens qui choisissent une personne à écouter puis que on parle en même temps. Ils parlent de sandwich ou suivent juste. Dinner, OK. Ben, fait que le pain. Ben, évidemment, les Égyptiens en faisaient 2500 ans avant notre ère. Ça fait longtemps là, que ça existe, le pain. La civilisation grecque, c'est elle qui a créé la boulangerie. Donc, au siècle de Périclès, il y avait 72 sortes de pains différents. Wow. 72? 72. Je ne sais même pas si on en a encore autant que ça aujourd'hui. Mais probablement, mais on ne les connaît pas tous. Les Romains étaient vraiment pourris pour faire du pain. Eux autres, ils aimaient la bouillie de céréales. Fait que le pain, c'était pas trop leur affaire. Par contre, il y avait des mitrons grecs qui venaient faire du pain au 2e siècle chez eux. Et les Gaulois, qui étaient réputés pour être d'excellents boulangers qui cacotaient les Romains. Si bien qu'au règne d'Auguste, il y avait 329 boulangeries à Rome. Il y en avait du pain, ça devait sentir bon. Presque autant que de Tim Hortons de nos jours. C'était pas mal. Il y avait des applications pour trouver leur boulangerie la plus proche. Four Squares. Ouais. T'avais le rapper T-Pain qui chantait sur le pain. Non? C'est T-Pain. Ça. T-Pain. T-Pain. T-Pain. Je sais pas, hein? Peut-être. Ouais, je sais pas. Tu fais de la pain. Il faut le connaître. Puis, ben, le pain a pris son caractère sacré hein, avec le christianisme, tout évidemment. Le style. Ouais, entre autres. Ceci est mon corps. Livré pour vous. Mm-hmm. Pauvre Jésus. Puis, c'est devenu l'aliment unique des pauvres, le pain. Quand il n'y avait rien, au moins, il mangeait du pain. Normalement. Au Moyen-Âge, le pain blanc était réservé aux riches. Puis c'était pas juste une question de prix, c'était vraiment la diététique médiévale qui disait que les classes supérieures devaient manger du pain de froment. Alors que l'estomac des pauvres, lui, pouvait manger du pain noir ou du pain moisi. Tu sais, parce que leur estomac était plus solide. Ben oui. Hein? Puis ben là, ils ont développé des maladies comme le mal des ardents, qui était dû à un champignon dans l'ergot de seigle qui a fait des milliers de morts. Puis, justement, c'est le professeur Hoffman, en 1938, qui a étudié ce champignon-là puis qui a découvert, comme par hasard, le LSD. Drôle de lien. Ah oui, Hoffman. Bon. C'était en fait un chimiste. Puis il y a une loi de Hoffman aujourd'hui qui existe en chimie organique. C'est pour ça que j'étais comme, hein, Hoffman, ça me dit quoi, ça? C'est ça. Un moment donné, quand je dormais dans mes cours de chimie organique, le jour de noix. Fait que lui, il a inventé des trucs hallucinogènes. Ben, en fait, il a découvert. Il l'a pas inventé. La ration quotidienne de pain au temps de Louis XIV, c'était d'un kilo et demi. Wow! Ça en fait du pain, ça. Puis il y en avait tellement des fois qu'il était dur, il fallait le râper pour le manger. Puis ils ont inventé la chapelure. Oui, c'est bon. Dans l'Ancien Régime, ça c'est entre la Renaissance et la Révolution française, la peur de manquer de pain était très, très, très importante. Pas parce que les gens avaient peur de manquer de pain, fait qu'ils avaient peur d'avoir faim, en fait, manquer de pain. Mais parce que quand il manquait de pain, c'était la révolte. Là. Vraiment, les gens, s'ils manquaient de pain, ça allait mal. Hein? Fait qu'ils se fâchaient. C'était le bout du pain. Mais c'est la même chose à la maison. Tu te lèves le matin, il n'y a plus de pain pour faire des toasts. C'est la même révolution. C'est enrageant. Ouais, c'est enrageant. Ah, mais tu manges ton beurre de pin à cuillère. Oh, bien. Oh. Tellement bon. Hey, c'est bon. Moi, je vous dis. Mais c'est fou comment le pain, la qualité peut dépendre. Hein? Dans les épiceries, des fois, j'achète du pain, puis c'est comme, non, il n'est pas correct, ton pain, il n'est pas bon, ça. Ouais, non. Okay, non. Moi, des pains comme pain qui viennent, tu sais, que tu fais des toasts de téléroman. Ouais. Nous autres, on appelle ça chez nous. Tu sais, tu mets de la margarine, ça fait crrrr, qui vient tout sec au gris pain. Des aventures de pain. Il y a le pain chalet aussi. Pain chalet au Dollarama. C'est du pain chalet. Oh mon Dieu, ben oui, c'est vrai. Ils vendent de tout maintenant. Bref. Fait que 1836, la première boulangerie qui a été inventée dans quelle ville, à votre avis? Paris! Et oui, reconnue pour sa baguette créée en 1830. La pétanque! Pétanque! Oh, un sport de pétanque. Personnes âgées! Ok, quand mais même! Non, c'est non. Cool! Si tu commences tout de suite, tu vas être bon plus tard. Là. Je ben vous oui, jure, ouais, commencer à pratiquer votre pétanque tout de suite. Si tu pognes des cataractes, t'es foutu. La pétanque, ça vient du jeu de boules. Moi, ben, c'est le jeu de boules que je trouvais le plus drôle. En fait, parce que, c'est Chateaubriand, dans son livre intitulé « Les mémoires d'outre-tombe » qui parle, le jeu de boules qui était avant réservé à l'aristocratie, qui a passé aux mains du peuple, qui s'y donnait de façon très incontrôlée. Puis Chateaubriand parle dans « Mémoires d'outre-tombe » en 1799 des Lazzaroni napolitains, donc des Italiens là, vraiment... Italien. C'est très, très révolutionnaire, révolté, qui jouait au boule avec les têtes fraîchement coupées des partisans des Français, oh. Tout juste chassés de la ville. Mm-hmm. Donc, moi, c'est cette petite anecdote-là, en fait. Que... C'est toute une game, ça. Puis après, ben, c'est devenu la pétanque avec le petit cochonnet, puis le rouler, bouler de boules et tout. C'est moins trash, après. Ouais, jeu de boules, je pensais pas que c'était ça. Moi. Ça dépend. Cochonnet, ils ont peut-être commencé avec un vrai cochon. Un vrai mort. Cochon, parce que. Qui sait? Qui sait? Pâques! Non, excusez-moi, je voulais pas manquer le truc, là. Blague de cochon. Quand même. Pâques. Pâques. Pâques. Pentecôte. Pourquoi qu'on donne des œufs à Pâques, en fait? Ben, c'est bon. Des œufs? Oui. Chocolat? Je sais pas. Le chocolat, en fait, ben, c'est juste parce que, vous savez, pendant le carême, on n'a pas le droit de manger de viande. Ah oui, c'est vrai. Donc, les poules, elles, continuaient. Les poules conduisaient, imaginez. Ouais. Quand les poules auront des dents, elles conduiront. Elles pondaient leurs œufs quand même, mais eux autres, les poules, même si c'était le carême. Donc, les stocks s'empilaient. Puis quand le carême était terminé, ben, on distribuait les œufs généreusement. Miam! Puis vous savez comment faire le test hein, pour découvrir si un œuf est toujours bon? Tu le mets dans l'eau, dans le bol d'eau. S'il flotte, s'il est plus bon. C'est ça, exact. Donc, si l'œuf flotte, c'est parce qu'il y a une poche d'air dedans. Donc, ça veut dire qu'il est plus bon. Imagine-toi comme si c'était un poisson mort. Il flotte. Ça flotte. C'est pas bon. Dégueu. Okay. Voilà. Le poteau rose. Le poteau rose ou le poteau rose? La panthère rose. Le poteau rose. Ouais. La marouane. Quand on dit découvrir le poteau rose, le poteau rose, en fait, là. Ben, d'où que ça vient, cette expression-là? Hein? C'est au Moyen-Âge, les jeunes femmes de la noblesse avaient une petite boîte dans laquelle mettaient leur fragrance puis leur rose pour les joues ou pour le front. Puis là-dedans, cachaient des petits mots doux ou des secrets. Puis ben là, on dit découvrir le poteau rose pour dire découvrir le fin mot de l'histoire. Mm-hmm. Ah, c'est romantique quand même. Et puis, je vous avais promis la semaine passée des façons de traiter les gens de façon péjorative. Alors, oui. Me voilà. Des insultes, on aime ça. Des insultes. Puis, je peux pas vous dire, ils s'en rendront pas compte parce que juste le nom, il parle assez fort. Donc, si vous dites à quelqu'un, toi, t'es un pas grand-chose. Ouais. Hein? Donc, ça veut dire quelqu'un qui mérite pas beaucoup de considération, peu d'estime. Un peigne-cul. Peigne-cul? C'est pour peigner. Pas ça, un peigne-cul. Donc, c'est un individu méprisable ou... pour qui est lourd ou ennuyeux. OK. Peigne-cul. C'est sûr que j'essaie de le bloguer. Lourd ou ennuyeux. On, ça nous fait des munitions, on sait qui viser. Hein? Un pet sec. Après un pet sauce, un pet sec. Comme Madame, ouais. Madame Pet Sec dans Chose Anaconda. Là. C'était quoi dans l'émission? Là? Anaconda. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Anaconda. Le prof. Ah oui, le prof. Ouais. Madame Pet Sec. La directrice, je sais pas trop. Je sais pas. Ben, ça, c'est quelqu'un qui manifeste de l'autoritarisme. Moi, ouais, c'était ça. Puis, ou de la raideur. Tellement. Okay. Pet Sec. Oui. Ouais, c'est assez jammy. On sait ça. Quand tu fais des pet secs, là, ça va mal. Une pocheté. Pas jeté, donc personne niaise ou stupide. Ah, moi je dis j'en ai à pas jeté. Ouais, moi aussi. J'en ai à pas jeté. Puis finalement, un pochetron. Ça, on l'utilise, pochetron. Pas un poltron? Non. Un pochetron, c'est quelqu'un qui est ivrogne ou alcoolique. Ah. Donc voilà. P, part 1, part 2. T'as déjà fini la deuxième partie au complet? C'est bien. Caroline, je pense qu'il y avait une deuxième partie à la deuxième partie. Ben oui, il y a une deuxième partie de la deuxième partie. OK, ça en met aussi. C'est parce sûr. Qu'on s'en va entendre une pièce du palmarès. Oh! C'est la position numéro 4. Et c'est Sun de We Are Wolves. Et on va faire un petit assemblage requis à la plage. Non, popé. Plage. Oh, Mathieu, t'es popé. Popé. Merci, Pet Sec. Thank you. Sailing on till the ocean. C'était We Are Wolves et Sun qui monte de la 13e place, maintenant 4e anglophone, toujours avec Véronique Mire dans Véronique Questionnaire. Et oui! Donc, la dernière partie de la lettre P. On mitraille ça, là. Ou solo de drum, genre patapata kiss. Voilà. Kiss? Ben ouais, ça finit par le coup de cymbale. Ben, c'est, ça, c'est quand c'est Kiss qui le fait, c'est un autre groupe, ils vont dire patapata de malajube. Ouais. Donc, un gros sujet pour revenir de la pause, les phobies. Il y en a-tu des choses à dire là-dessus? Puis en fait, les phobies, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est pas juste des trucs psychiatriques. Quand on parle de phobie, on parle aussi de... on parle de ça hein, en biologie pour dire qu'un être est intolérant à quelque chose comme à l'eau. Donc, c'est pas juste psychologique grave. Parce qu'il y a aussi des phobies qui sont vraiment graves, qui font causer des crises d'anxiété. Mais il y en a qui ça va être juste une peur ou on n'est pas tolérant à quelque chose. Donc, des phobies comiques que j'ai trouvées. Donc, l'acarophobie, ça le dit en partie. Peur des parasites de la peau ou des acariens. Ah, ça, aussitôt qu'on parle d'acariens, je pense que la majorité des gens vont dire « Ah, faut changer d'acariens. » Il y en a qui ont peur de ça, qui se promènent avec des lingettes tout le temps. Puis, ça doit pas être facile de vivre, parce que si tu savais comment il y en a, c'est ça. Oui, c'est ça. De laver chacune des plumes dans son oreiller à chaque soir. Wesh, oh boy. T'as lavé à la brosse à dents, chaque plume de ton oreiller. Les fesses sèches. L'acérophobie, la peur de ce qui a un goût sûr ou acide. Okay. L'algophobie, ça, c'est la peur de la douleur. Donc, les gens qui ont peur de la douleur, puis c'est la peur la plus fréquente. On fait jamais rien parce qu'on a peur de se faire mal. C'est mon cas. Ah, peut-être. Mais tu sais, c'est des gens qu'on peut repérer assez facilement qui ont plein de médicaments dans leur pharmacie. Oui. Ceux qui sont un petit peu, comment t'appelles ça, le mot? Hypochondriac. C'est ça. L'anthropophobie, ceux qui ont peur des gens. Bon, ça, c'était plat. Des gens. L'automisophobie. Ça, c'est la peur d'être sale ou de sentir mauvais. Ah, je pense que ça me touche, ça aussi. Ouais. Ah. Je me sens tout le temps comme, comme ça. Tu sens bon, Mathieu. Merci, Téphane. Ben, dans cet ordre-là, on a aussi ceux qui souffrent d'halitophobie. Ça, c'est la peur de la mauvaise haleine. Oui. Ils vont toujours prendre des petits bonbons et tout ça parce qu'ils ont peur. C'est un peu dégueu. L'autophobie. Quelqu'un qui a peur d'être seul, ou peur de soi. Ça, c'est la peur de soi, aussi, c'est ça. Okay. Aussi, c'est la peur de soi. Donc, ils ne veulent pas se retrouver seuls parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient, ils ne veulent pas penser trop. Des dépendants affectifs, ça. Beaucoup. Oui, exact. La basophobie, la peur de marcher. J'ai pensé à la même chose. Que ça doit exister. En le disant, j'ai fait tout. Basophobie, peur de marcher. La borbophobie. Peur des gargouillements de ventre. Ah! Des siens ou de ça des autres. La carpophobie, la peur des fruits. Hein? Hein? C'est trop bon pour la santé. Carpophobie. Carpo. Et vous savez que Christina Ricci, l'actrice là, qui a joué dans Sleepy Hollow, elle souffre de la peur des plantes vertes. Ah! Hein? Elle, quand elle rentre dans une maison, il faut qu'elle s'assure qu'il n'y ait aucune plante verte parce qu'elle a vraiment. Mais vous savez qu'elle a fait la famille Adams. Donc, ça a eu quand même des drôles de répercussions sur sa personnalité. Elle pratique aussi l'automutilation puis plein d'affaires bizarres. Spéciale. C'est une très bonne actrice, mais maudit qui est bizarre. C'est ça. Mais dans cette sorte d'idée-là de films, de trucs bizarres qu'ils ont fait avec les peurs, hein, la peur des clowns, ça, c'est la coulurophobie. Ça, c'est normal. Il y en a beaucoup qui ont peur des clowns. La peur de la nudité, c'est la gymnophobie. Gymnophobie. Donc, le comble pour quelqu'un qui souffre de gymnophobie, ce serait de tomber sur un exhibitionniste. C'est clair. C'est fait. Beaucoup souffrent de hypégiaphobie, surtout des gars. Ça, c'est la peur des responsabilités. Je sais pas, là. Générique, le plus générique possible. Si tu souffres de pantophobie, panto, là, ça veut dire de tout. Donc, t'as peur de tout. Okay. Ça va vraiment mal. Ça va pas bien, t'as peur de tout. Si t'as peur des monstres, souffre de tératophobie. Et t'as 4 ans. Bonne précision. Mais si t'as plutôt peur des fantômes, ça, c'est de la phasmophobie. Ah, ça, moi, j'ai ça. Donc, ben, c'est ça. Là, des petites phobies spéciales. Mais des fantômes comme Casper ou... Ouais, Christina Ricci. Entre autres. Donc, voilà pour les phobies, en gros. Donc, le reste, c'est plus des hypersensibilités, ceux qui ont peur de la lumière, que ça va être... peur photophobie, ça, c'est la sensibilité à la lumière. C'est plutôt des conditions physiques qu'un trouble psychologique. Ouais. Avez-vous des peurs, vous? Autre que celle qui a été dite? Non, mais vous autres, là... Ben, des peurs. Moi, j'ai déjà dit que j'avais peur des serpents. Ouais, mais ouais, je me suis rendu compte en lisant justement que c'était pas une phobie, c'est juste une peur. Parce que si j'en vois un, là, je me mets pas à hyperventiler. Puis, une phobie, c'est assez intense. Ouais, c'est là, plus on intense. L'utilise quand même général. Mm. Moi, j'ai l'écran bleu de la mort aux phobies. Je Windows, pas capable. Pas capable. Moi, tout le monde rit de moi parce que j'ai peur des ballons. Oui, ma mère aussi a ça. C'est pour vrai? Comment chez les filles. Les ballons qu'on gonfle. Oui, les ballons okay. qu'on gonfle. T'as peur qu'ils te pètent dans la face? T'as peur qu'ils te pètent dans la face? Ben, ça a sûrement commencé là, mais je pense que c'est généralisé. Ça a commencé dans un barrage routier quand elle pétait la balloune. Non. C'est pas vrai. Non. Puis tu sais, je dis aussi que j'aime pas vraiment les clowns, fait que c'est comme mon pire cauchemar, c'est un clown qui vient faire peur des animaux en ballon. Ça serait tout le paroxysme de tout ça. Oh. Comme par exemple, les superstitions, la peur du vendredi 13, ça s'appelle la paraskevidécatriaphobie. C'est accrocheur comme nom, je trouve. Ouais. Mais là, ça, faut le dire. Je donne un bonbon à celui qui est capable de le redire là. Là. Un bonbon. T'es cheap. T'es bonbon, toi? Mais non, mais je vais aller en chercher. Paraskevia. Ah, il est long. Puis la peur du. Attendez un peu, là. La peur du nombre 6. Paraskevia, c'est astrophobie. C'est pas prononçable, vas-y. 6, 6, 6. Paraskevia, ouais. La peur du nombre 6, 6, 6, c'est exaco, siwa, execon. Ta exaphobie. C'est vraiment bonne pour les lire en plus. Ouais, mais je prends mon temps. Quand même. Donc voilà pour les phobies. En bref. La leur télé souffleur. L'application de. Je me sens enregistrée, vous m'avez pas vu dans mes cheveux. Là. Ça fait. Pac-Man! Yeah! Oui! Le jeu vidéo, c'est super intéressant, Pac-Man. En fait, à la base, ben, ça a été créé par Toru Iwatani, hein, évidemment, un Japonais. Donc, dans les années 1970, fin 1970, précisément en 1979. Au début, ça s'appelait Pac-Man. Oui, mais les gens dessinaient des F. Des F. Oui, exactement. Donc, ils ont rapidement décidé de changer le nom pour Pac-Man. Et puis, en fait, ben, c'est le petit bonhomme en forme de camembert qui se promène dans un labyrinthe et qui mange des Pac-Gommes poursuivis par des fantômes. Pac-Man, ça est dérivé du japonais Paku Paku. Excuse-moi. Touchez-vous pas en studio, pas le droit. Paku Paku. Qui dénote l'action d'ouvrir et de refermer la bouche ou de manger avec gloutonnerie. Paku. J'imagine que si on écoute le bruit du Pac-Man, ça ressemble un peu à ça. Le bruit du Pac-Man, tu peux le refaire en... Les doigts dans les oreilles. Oui, les doigts dans les oreilles. Waka waka waka waka waka waka. Oh, ouais. Ouais, c'est malade. Moi, je suis très. Mais, dans l'oreille, faut que tu prennes l'extérieur de la petite peau. Oh, la petite, la petite triangle. Ouais. Elle avait le dos à brun, finalement. On s'en retarde. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, il a été beaucoup apprécié par son aspect non violent. Donc, les filles et les garçons aimaient beaucoup Pac-Man à cause de ça. Parce que le camembert était pas violent. C'est bon. On mangeait des petits Pac-Gommes. Puis, ben, ce que je trouvais intéressant, c'est que les quatre fantômes, ils ont des noms, hein? Oui. Ouais. Inky, Binky, Binky. C'est ça? Presque. Est-ce que tu te sens bien, Mathieu? C'est, attends, Inky, Binky, Blinky. Oui. Blinky. Blinky, c'est le rouge. OK. Son vrai nom, c'est Shadow. OK. Son, c'est quoi? Ouais. C'est pas son parce vrai nom. Parce que Blinky, c'est son Shadow. Surnom. C'est ça. Puis, il y a un Pinky, je pense. Pinky, qui est rose. OK. Puis, c'est Clyde. Son vrai nom, c'est Speedy. OK. Clyde. Puis, Clyde, c'est Pocky, qui est orange. Puis, vous avez Inky, qui est bleu. Voilà. Ou bashful. Puis, en fait, ce que le créateur de Pac-Man, c'est ça qu'il voulait, lui. Il voulait que les fantômes aient chacun un nom parce qu'ils ont aussi chacun une personnalité, un comportement. Bullshit, come on. Ben, en fait, c'est que Blinky est fonceur. C'est toujours lui qui va foncer tout de suite le premier sur le Pac-Man. Ouais. Pinky a tendance à se mettre plus en embuscade. Inky est imprévisible et Clyde feint l'indifférence. Ils ont tendance à avoir toute la même vitesse pour faire la même chose, mais bon. C'est vraiment qui est limité. Clyde est limité. Est limité. Est limité intellectuellement. Limité. Eh oui, toi. Ah. Ben, ça, c'est son nom en français. Limité. Pocky. Pocky. Voilà. Puis lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est que je voulais que chaque fantôme ait sa propre personnalité, sa propre manière de se déplacer, de manière à ce qu'ils ne soient pas tous en train de chasser Pac-Man comme un seul homme, ce qui aurait été assommant et insipide. Donc, eh ben, quand même. C'est comique. Ensuite, les poisons. Deux petits points pour terminer. Les poisons. Je me suis dit, je vais regarder ça sur Internet, les poisons. Puis là, ben, j'ai changé d'idée. Parce qu'en fait, je suis tout de suite tombée sur un site de gens qui... Il y avait un gars qui écrit « Avez-vous une idée d'un poison inodore, incolore et qui ne laisse pas de traces à l'autopsie? » C'est pas louche du tout, ça. Sur un site Internet. Je suis tombée là-dessus. Puis il y avait une grosse discussion de gens qui donnaient des poisons aux gars là, pour qu'ils utilisent ça. Je me suis dit, what? Où sont les autorités? Et comment ça se fait qu'un échange comme ça se poursuit sur Internet? Donc, c'est tout ce que j'ai fait, mais quand même, j'ai trouvé ça assez troublant. Poison. Mort au rat. Bizarre. Arc. Donc, moi, je veux terminer sur une belle note. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est les petits poutis. Connaissez-vous les petits poutis? Non. Petits poutis, non. Des poutis, c'est au pluriel. Puis, en fait, au singulier, c'est poutos. Ça, c'est un peu plus laid. Mais les petits poutis, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire de l'art. Donc, dans l'architecture italienne, tout ce qui est baroque, rococo, les petits poutis, c'est les petits anges. Oh, les chérubins. Qu'il y a partout, là, les petits chérubins. Okay. Puis, mon prof d'histoire de l'art avait dit, ça s'appelle, le vrai nom, c'est des petits poutis. Des petits poutis. Je trouvais ça tellement mignon. Il disait, poutis, poutis, poutis, poutis, poutis. Voilà, donc je l'ai dit à la radio. Aïe, aïe, OK. Ouais, ouais. Ça finit drôle. J'aime ça. C'est cute. C'est cute, oui. Mm-hmm. Me fait-elle des clins d'œil pour que je ris de ce petit poutis? Ouais, non, c'est ça. D'accord. Attention. Merci, Véronique Mire. On te retrouve avec la lettre O. O, oui. O comme dans? O dans... Obligation. Ouais. Oblique. Ah. Mm-hmm. Obèse. Onomatopée. Orthopédie. Oracle. Et océan. Oui. Mm-hmm. Voilà. Plein de bonnes idées. À la semaine prochaine, bien aimé. Oui. Pour l'instant, on prend une pause. On revient avec quelques petits gadgets inutiles dans 5 semaines de réponse. Reste là. C-F-O-U 89 1 C'est Summer Lovin', position numéro 3 qui monte la 11e place. Et on enchaîne à l'instant. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a! Est-ce que tu vas survivre à cette chronique, Stéphanie Paradis. Je l'espère. Jean-Philippe Charbonneau aussi est là et Justine Renaud. Ah, donc, 5 minutes de deux réponses. Là, on va se faire une petite liste de gadgets à se procurer avec notre nouveau budget automnal. Hein. Tout le monde va commencer à travailler, des trucs comme ça. Donc, la fin des vacances, hein? Tout le monde est en vacances. L'arrivée des bourses, peut-être. Peut-être, à l'université. Donc, si vous voulez rendre tous vos, tout ce que vous mangez, en fait, un peu comme des Rice Krispies, si on aime beaucoup avoir des enfants qui nous font des bruits dans la bouche, c'est genre comme des Rice Krispies ou comment on appelle ça, des petites enveloppes de poudre que tu mets en bouche, ça fait le bruit. Ah, des crackles, quelque chose. Pépitins, des pépitos micorazones. Oui. Donc, c'est le popping sugar qu'on peut ajouter. C'est par Molecule R. On peut se procurer ça sur Internet et ça va rendre, dans le fond, n'importe quelle nourriture. En fait, c'est du carbon dioxide, dioxyde de carbone, Justine, qu'on dit? Dis de loin. Ah, t'es pas sur le même micro que tantôt, hein? Ben oui, je suis sur le même micro. T'as bien raison. Donc, c'est pareil comme le bonbon des années 70, mais vous allez pouvoir tremper, mettons, je sais pas... Une banane. Une banane des fraises. Donc, c'est disponible sur Amazon dans une variété de différents formats entre 9 et 30 $ américains. Incroyable. Génial. Je disais qu'on allait en parler dimanche au Mathieu Planchot, mais c'était finalement dans cette chronique-là. Les chroniques se suivent, mais se ressemblent. Voilà. Donc, c'est des affichages LED à construire soi-même. Donc, pour faire défiler un message comme on voit dans les magasins, c'est Stephen Wiley et Stacy DeVino qui ont fait ce produit-là et qui, dans le fond, est beaucoup plus abordable que les bandes qu'on pourrait trouver pour les magasins. Donc, ça s'appelle LED Goes. C'est un affichage avec des modules qu'on snap dessus, un peu comme des Lego. Ça mesure 1,5 pouces par 2 pouces et 35 lumières LED qui peuvent afficher en rouge, vert ou en jaune. Et on peut connecter plusieurs rangées ensemble. Et puis, donc aussitôt qu'on achète ça et qu'on ouvre la boîte, on peut taper un message sur le LED Goes avec un PC ou un téléphone cellulaire. Et on peut le synchroniser sur Twitter ou avec un fil RSS de nouvelles. Par exemple, tu pourrais afficher ça devant, mettons, le studio et afficher la programmation en temps réel. Ça serait pas merveilleux, ça. Non, mais cool! Il faut promettre de donner 29 $ américains sur Kickstarter pour que LED Goes, le kit, vous soit envoyé comme récompense. Donc, deux petits affichages. Et c'est vraiment cute d'aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, tiens, quand on se promène dans la rue, on a besoin d'une arme pour frapper quelqu'un parce qu'il va voler ta sacoche, mettons, Stéphane. Ben oui, une brique, c'est léger. Non! C'est... Ta casquette peut devenir une arme. Ah. C'est la casquette Night Watchman qui contient une poche avec du plomb dedans à l'intérieur de ta casquette. Donc, tu as du plomb dans la tête. Toink! Ouais. Toink! C'est génial, non? Ben, faut t'attraindre. Cette petite poche de poing. En effet. Ouais, mais c'est mieux sûr qu'un fusil, hein? Deuxième amendement. Ensuite, une sonnette qui vous permet de voir qui est à la porte, même si t'es pas à la maison. C'est la iDoor Cam qui vous permet de donc surveiller les gens qui passent par chez vous. Donc, ça vous pouvez accéder à ça par un téléphone intelligent. Aussitôt que quelqu'un sonne à la porte, on reçoit un avertissement sur le téléphone et puis on peut avoir une conversation à double sens, là, bref, avec la personne. Et tu peux pas, par contre, débarrer la porte à distance. 165 $ pour acheter votre propre gadget. Ça va sortir en octobre. On peut précommander donc en ce moment. Mais tu pourras avoir une petite discussion. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut faire des discussions à double sens. Fait que là, tu peux dire... rempli d'innuendo sexuel. Oui, c'est ça. D'accord. Tiens, pour ceux qui aiment Facebook, qui trippent médias sociaux, on peut maintenant montrer son obsession avec le Flake, qui est un compteur mécanique old school qui va, dans le fond, afficher sur votre bureau n'importe quoi le nombre de likes que votre profil Facebook a généré. Donc, tu le branches, tu le mets Wi-Fi, t'accèdes à ton compte, ça coûte 390$. Tu dis, mettons, c'est fou, 2000 likes, maudit que ça monte pas vite. Hein? Ah ben ça écoute, ça c'est malade parce que tu peux aussi le faire sur Facebook. Tu regardes, mais ça, c'est des pages. Moi, ouais. Je peux tout savoir. Ça. Oui. C'est gênant. C'est un peu gênant. Plego, qui est un système de location de Lego. Hein? Pour ceux qui veulent pouvoir utiliser différents ensembles de blocs Lego, pas tout le temps avoir le même kit si on veut. Donc Lego, c'est comme un Netflix pour les Lego. Une fois qu'on s'inscrit, il vous envoie un set. Tu peux le compléter dans la durée que tu veux. Quand tu as terminé, tu le renvoies. Ils vont t'envoyer le prochain sur ta queue, dans ta queue. Pareil comme Netflix. Il y a 3 niveaux de service. Hey, le mot queue, là, on se calme. Donc, t'as Fan, qui est des ensembles de 250 pièces, Super Fan pour 500 pièces et Mega Fan pour 5400 pièces, 15, 25 et 39 $. Et les ensembles sont nettoyés entre chaque utilisation. Donc, c'est le genre de personne qui aime avoir plusieurs ensembles de Lego. Oh mon Dieu, la vaisselle remplie de Lego, ça doit tellement être le fun! Malade! J'imagine qu'ils doivent recompter les Lego aussi. J'espère, hein? Une machine doit le faire, j'imagine. C'est comme le Coinstar, mais... Pas Pornstar, Coinstar. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des pires jobs que toi. Et voilà. Tiens, si vous êtes du genre à vouloir vous promener sur un tricycle, tu sais, un tricycle comme pour les enfants, mais pour adultes. Non, mais c'est vrai, c'est le High Roll, qui est un tricycle pour adultes avec des pneus de 26 pouces et du plastique moulé, des roues d'en arrière de 14 pouces, et tu peux drifter et slider. Wow. Tu peux avoir jusqu'à 6 pieds 6 de grandeur, dans le fond, tu peux atteindre jusqu'à 6 pieds 6 et 275 livres. Il y a des freins V-Brakes qui sont très efficaces. 600$ pour acheter ce tricycle pour adultes. J'avoue que tu dois avoir l'air adulte là-dessus. C'est TOG. C'est Thug. Thug, oui. Et Thug est, comment dire, swag. Swag. Oui. YOLO. Oui. Swag. Double Robotics, c'est un robot. C'est un stand, en fait, sur lequel tu mets ton iPad. Et c'est un peu comme un Segway. C'est le Segway, que c'est l'affaire que tu avances. Deux roues. Oui, c'est ça. Sauf que c'est un stand, un poteau que tu installes ton iPad dessus. Et tu peux, via un iPad ou un MacBook ou n'importe quel ordinateur, à distance, tu peux contrôler la hauteur que ça va donner. Dans le fond, tu es comme une téléprésence. Ton ordinateur va prendre ta face et va la reproduire dans l'iPad qui est sur le gadget de Double Robotics. Et là, tu peux te promener, avancer, monter et descendre à distance. Donc, tu es à Tokyo, mettons, puis la conférence a lieu au Canada. Tu vas pouvoir être présent avec ton iPad. Bientôt, on va tout animer de chez nous, t'sais? Mais toutes nos faces vont être sur des iPads, sur chaque micro. Ça va être malade. C'est débile. Ça coûte 2500$. Donc, dans 5, 10, 15 ans, imaginez comment ça va avoir évolué, cette technologie-là. Ça va être malade. Ça va être comme dans Megabug. Je m'en allais dire reboot. Exactement. Ah, c'était fou, ça. Ouais. Il va y avoir des gros blocs de jeux qui vont nous tomber sur la tête. Il va falloir qu'on fasse des affaires, puis ça va être bizarre. On a hâte à cette époque-là. Quand on sort dans un bar, ça peut arriver qu'on se fasse passer la drogue du viol, tu sais. Hein? Non? Ça peut arriver qu'on mange. Je voulais juste une confirmation. Donc, si vous avez un verre ou n'importe quoi, ça va être difficile de détecter le produit qu'il y a à l'intérieur. Donc, sur Indiegogo, on a ramassé 50 000 $ pour développer un prototype de ce verre-là qui va montrer sur le verre qu'il y a eu de la drogue, du viol, n'importe quelle autre drogue qui a été qui a été mis dedans. Donc, le verre, il va apparaître des petites barres rouges sur ton verre pour dire qu'il y a eu la drogue d'insérer dedans. C'est cool, pas quand même. Mais là, c'est les bars qui vont devoir acheter ces verres-là parce que tu peux pas vraiment traîner ton propre verre au bar. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur objectif. Donc, à la mi-2014, ça va être disponible pour que les bars les achètent et justement, ils vont pouvoir montrer sur leur publicité on est un bar safe. Donc, ça va peut-être créer justement... Un safety bar. Clair. Un safety bar. C'est rare que c'est safe un T-bar. Moi, en ski, là, je tombe tout le temps en bas de ça. Je vais faire un safety bone. Donc, quand tu vas voir un spectacle, un concert qui est debout, t'aimerais pouvoir t'accoter. Eh bien, il te faut le kickstand, qui est vraiment comme un kickstand de iPad ou n'importe quoi, mais pour tes fesses. Oh, c'est comme un pogo stick, mais avec juste un siège de vélo au bout du truc. Tu peux t'accoter dessus. Finalement, tu peux le faire chez vous avec un manche à balai puis un... Mais ça doit tellement être le fun de kicker dessus pour que le gars il tombe. Avec hauteur ajustable et paquet d'autres petites options comme ça. Léger, compact et c'est en aluminium, donc très, très, très, très léger. Décapotable, escamotable, comment t'appelles ça? Décapotable. Genre remettable en morceaux, si on veut. Donc, ça pèse seulement 2,1 livres. Et puis, c'est en précommande pour 80$ en ce moment. On va devoir terminer très très bientôt. Là, je vais y aller avec une tasse de Super Mario. La tasse est en forme de tuyau. Avec c'est vraiment très très cute. Et le sous-verre est un point d'interrogation de Mario. Génial. C'est la Pipe Coffee Mug. 14 onces. Ça vaut la vaisselle et au micro-ondes. Ça vient avec le sous-verre, comme je vous disais. Donc, allez vous procurer ça sur assemblagerequis.com. Et est-ce que j'en fais un dernier? Ah ouais, non. Dernier, attention. Ah, ça, c'est génial. C'est 12 repas en une canne. C'est la All-in-One, c'est un repas donc en 12 couverts créé par Christopher Godfrey. Dans le fond, il voulait comme montrer la culture contemporaine, l'utilisation des gamics pour vendre des produits. C'est juste une drôle d'affaire qu'il voulait faire, pas nécessairement pour le vendre, mais quand même. Donc, sélection de fromage, bœuf, ravioli, champignons, poisson, risotto, soupe à l'oignon française, porc, jus de gingembre et aux pêches, et de la tarte et un paquet d'autres affaires comme ça. Donc, 12 couverts. Vous pouvez aller voir les photos de quoi ça a l'air vraiment dégueulasse, mais quand même. C'est tout mélangé, là. C'est vraiment très grosse canisse. Couche par couche, dans une petite canne, donc des petites couches. Ça fait un peu penser au repas de Noël en canne que tu nous avais présenté l'an dernier. C'est vraiment comme une grosse dinde en canne avec des autocas et tout, là. Ah, les gars. Des tototoko. Ah, les gars. Voilà pour ça que ça devrait répondre. On continuera la semaine prochaine. Pour l'instant, ça va être la fin de notre belle petite émission d'Assemblage Ricky à la plage. Soyez avec nous jeudi prochain. Ben oui. Toi. Tous. Entre 14h et 18h jeudi prochain, on repasse le samedi à midi et le dimanche à 10h. Restez là pour Rock Rebellion qui s'en vient avec Serge Nadeau. C'est la dernière de la saison pour lui, donc on le remercie d'avoir passé l'été avec nous. et bonne émission. Point. CIF.ca, assemblagerequis.com. Merci Jean-Philippe Charbonneau. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Merci Justine Renaud. Merci aussi à Véronique Mire. Puis c'est pas mal le tour de ça. On se quitte avec le numéro 1 qui veut le présenter. Battez-vous. Battez-vous. Ben, Lord Bing. Ouais, numéro 1, j'ai ici une année record. Une année record, OK. Un événement, un succès sur toute la ligne. Oui. Donc, on va entendre Sweet Mountain River de Monster Truck. À la semaine prochaine, salut.